Donc la séance du conseil municipal est ouverte et je vais procéder à l'appel nominal. Tony Di Martino, présent. Olivier Tarabella. Présent. Elham Chahir. Édouard De Noël. Présent. Émilie Trigot. Présent. Vassindou Cissé. Présent. Djondji Biro. Présent. Cédric Pape. Présent. Yasmina Sadoud. Présent. Choki Haddad. Edith Félix. Brahim Akour m'a donné pouvoir. Merlan Georges. Présent. Grégoire de la Gannerie. Anne Gerval, Brigitte Delaperelle, Daouda Keïta a donné pouvoir à Émilie Trigot, Jean-Claude Oliva, Valérie Bille, Yalana Dino, Abdelkrim Karmaoui, Anne de Rugy, Frédéric Gabin, Mariem Diop, Kaline Tribi qui a donné pouvoir à Cédric Pape, Abnit Chahir, Mamadou Sila a donné pouvoir à Olivier Tarabella, Manon Chrétien, Hissène Ounissi, Zora Kelly, Mona Bellil, Mohamed Djenan, Sébastien Stalens, Pierre Vionnet, Laurent Jamais, Angéline Desbordes-Silly, Raquel Garrido, Claire Laurence et Solène Le Bourris. Je vous propose de désigner comme secrétaire de séance Manon Chrétien, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, et je vais procéder à une interruption de séance pour donner la parole à la CGT. Allez-y. J'ose pas essayer. Oui. Oui, ça marche. Monsieur le maire, est-ce qu'on peut avoir un micro pour les intervenants, parce qu'on a... Test 1. Test 1. 1, 2. Merci. Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus municipaux, lors de son allocution du 9 novembre dernier, le président Macron a annoncé que les Français devraient se préparer à travailler encore plus. Repousser l'âge légal de départ à la retraite pour travailler plus longtemps. Supprimer les régimes spéciaux pour prétendre aller vers un système plus juste. Permettre un départ progressif en retraite pour prétendre aller vers plus de liberté. Suspendre les allocations des demandeurs d'emploi qui ne démontreront pas une recherche active. Voilà en substance les solutions énoncées par le président de la République pour répondre à la crise sociale que nous vivons. Face au constat unanime de l'augmentation des loyers, du coût du carburant, des tarifs d'électricité et du gaz, du prix de nombreux produits alimentaires et de première nécessité, pas un mot sur la question de la revalorisation des salaires pour des milliers de salariés qui pourtant plafonnent au-dessous du SMIC. Rien sur celle des pensions non plus, pourtant réclamée par des milliers de retraités. Rien sur la diminution du pouvoir d'achat, pourtant dénoncée par une part croissante de la population. À l'inverse, Macron a servi un discours en complet décalage avec la réalité vécue par la majorité d'entre nous. Discours d'un président volontairement à côté de la plaque, mais déterminé à poursuivre une politique antisociale et antisalariée. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus municipaux, la grande majorité des salariés n'est pas surprise par les annonces du président Macron, dont le slogan pourrait se résumer à « marche ou crève ». Les agents territoriaux ne sont pas surpris non plus. Eux aussi prennent de plein fouet les conséquences désastreuses de la politique macronienne, dans leur propre vie, aussi bien qu'aux côtés de la population qu'ils accompagnent au quotidien. Au service de la population, c'est bien là le problème du président de la République, pour qui le mot « service » ne semble avoir de portée que si on peut lui donner une valeur marchande. Et c'est bien le sens de sa loi de transformation de la fonction publique, au prétexte d'une maîtrise de la dépense publique qui ne dérange que lorsqu'elle permet de soutenir les plus fragiles. Macron pousse simultanément sur tous les leviers possibles pour obtenir les 120 000 postes publics en moins promis au début de son mandat. Augmentation du temps de travail, gel des salaires, prime au mérite, ou l'utilisation sans complexe des agents comme variable d'ajustement. Le tout au nom d'une justice pour des salariés du secteur privé qui pourtant n'y gagneront rien. Mais qu'importe tant que ça marche. Et ça marche. Dans son adresse envoyée à l'occasion du Congrès des maires et présidents d'intercommunalité de France, la Fédération CGT des services publics a souligné que, selon la Cour des comptes, Le passage aux 1607 heures imposé par la loi TFP entraînera la suppression de 56 000 postes. Une bonne part des 70 000 en moins voulus par Macron pour la seule fonction publique territoriale. Si on y ajuste les postes supprimés dans les autres versants de la fonction publique, les départs d'agents écœurés qui finissent par jeter l'éponge, Macron, sur cette seule promesse de campagne, est bon pour la réélection. Mais qui pourra réellement se satisfaire des conséquences de cette politique ? La Poste, France Télécom, EDF, SNCF et j'en passe sont autant d'entreprises, puisque tel est leur nom désormais, qui font la démonstration de ce qui attend la population à terme. Augmentation débridée des tarifs, prestations discutables, conditions de travail déplorables dans des emplois de plus en plus précaires. In fine, personne ne s'y retrouve. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus municipaux, élus de gauche, vous n'êtes pas des marcheurs. Alors pourquoi suivre les pas de ce gouvernement en marche qui s'appuie davantage sur sa jambe droite que sur sa jambe gauche ? Les agents territoriaux de Bagnolet, comme tous les agents des services publics, sont plus qu'inquiets. Et ils ont raison de l'être. Car à cette heure, aucun signe ne leur a été envoyé pour démontrer votre volonté de faire rempart contre la politique gouvernementale, catastrophique pour les agents et par conséquent pour la population au service de laquelle nous sommes. En moins d'un an, on nous a pris 13 jours de congé, tenté de nous soustraire 700 euros de primes qui, par les temps qui courent, portent d'autant mieux son nom de prime de vie chère. Annoncer la mise au rebut de nos acquis sociaux, programmer l'augmentation du temps de travail et la fin d'un salaire stable au profit d'une politique salariale clientéliste. Serait-on dans le privé ? Si nous étions dans le privé, une situation similaire n'aurait pu exister sans être accompagnée de l'argument, souvent fallacieux d'ailleurs, du « c'est ça ou on ferme la boutique ». Mais les agents des services publics et de la fonction publique n'ont même pas le droit à ce genre de prétexte. On nous demande en plus de tout accepter sans rien dire. Pourtant, la récente mobilisation des agents et des organisations syndicales de Bagnolet a fait la démonstration qu'il est encore possible de s'opposer à cette logique. En tant qu'élu de gauche, vous êtes le rempart qui peut faire barrage à la politique gouvernementale. Cela reste un choix, il n'appartient qu'à vous de le faire valoir. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus municipaux, le préfet, conformément aux consignes données par le président Macron, joue la pression sur les collectivités pour que la casse du service public se poursuive. Supprimer le statut, les droits, les acquis sociaux des agents territoriaux, et vous le savez, un pas de plus dans ce sens. Nous vous appelons à apporter aux territoriaux de Bagnolet votre soutien sans faille et conforme aux convictions que vous portez en tant qu'élu d'y opposer à la politique du gouvernement Macron. Vous allez bientôt apporter une réponse à la demande du préfet, qui n'est que l'outil de la politique gouvernementale, d'abrogation des délibérations sur la prime de vie chère. La suppression de cette prime serait un recul supplémentaire pour les agents. Nous vous appelons à faire preuve de courage pour affirmer une politique de gauche sans concession face à la politique d'individualisation, de mise en concurrence, d'abandon des solidarités menées par le gouvernement. Nous vous appelons à vous mobiliser aux côtés de vos agents pour mener le front de la bataille, pour conserver cet acquis social et refuser la dissolution de cette prime dans un système de prime au mérite et à la performance. D'ores et déjà, nous vous appelons à soutenir les agents pour le maintien de leur prime de vie chère en l'État et à ne pas voter l'abrogation des délibérations. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, chers collègues, quelques mots. J'ai eu l'occasion de le dire et de l'écrire à plusieurs reprises, notamment lors de la rencontre du 10 novembre dernier avec les agents de la collectivité qui avait fait l'objet d'un appel au boycott de vous-même, organisation syndicale, mais à laquelle ces dernières, et en l'occurrence vous-même, avaient quand même participé. Je vais donc à nouveau développer ce que j'ai eu l'occasion d'exposer, en l'occurrence la position de la municipalité devant le conseil municipal de Bagnolet. Courant août, la trésorerie municipale de Montreuil, qui a pour mission de liquider les dépenses ordonnées par la ville, nous a alertés à propos de l'illégalité de la prime annuelle versée aux agents, autrement appelée prime de vie chère ou 13e mois. Rappelons juste, pour la clarté de l'échange, que la liquidation des dépenses nécessite de la part du liquidateur un contrôle des bases légales et documentaire de la dépense ordonnée. Le 17 septembre, ce même trésorier me confirmait sa position qui consistait à refuser de procéder à la liquidation de cette dépense et évoquait également le recouvrement potentiel de la première partie de la prime qui avait été versée en mai. Dix jours plus tard, le 27 septembre, J'informais les représentants du personnel de la situation face à laquelle nous nous trouvions lors d'un comité technique et indiquais que la ville continuerait à défendre la possibilité de procéder au second versement de la prime annuelle. Le 14 octobre, le trésorier m'écrivait pour me confirmer les propos tenus lors de notre échange. Je le cite, ouvrez les guillemets, « Je vous demande de bien vouloir ne pas inscrire dans le train de paix de novembre 2021 la liquidation du second acompte de cette prime. » J'ai donc écrit au préfet du département, représentant de l'État dans le département, comme vous le dites, lui demandant de revoir la position de l'État. Sa réponse, du 29 octobre, ne souffrait là aussi d'aucune ambiguïté. La prime est illégale et ne peut donc être versée. J'entends des voix qui disent que j'aurais dû alors penser à réquisitionner le trésorier. Que les choses soient claires. La réquisition comptable est une procédure particulièrement encadrée qui a pour effet de faire basculer la responsabilité pécuniaire personnelle du trésorier vers le maire et de saisir immédiatement la Chambre régionale des comptes. Dès lors, elle était totalement exclue, comme j'ai eu l'occasion de le dire, aux agents. L'ensemble de ces éléments m'ont conduit à m'adresser par courrier à l'ensemble des agents, considérant à ce moment-là que les conditions n'étaient pas réunies pour que le solde de la prime soit inscrit dans le train de paie de novembre 2021 et que je ne prendrais pas le risque de le voir refusé dans son intégralité. Devant cette situation, les organisations syndicales, qui par ailleurs sont représentées par les mêmes personnes qui siègent au comité technique, au cours duquel la situation avait été explicitée, ont décidé d'organiser un mouvement de protestation pour le versement du solde de la prime. C'est tout à fait légitime, je le comprends, et je partage sans aucune difficulté l'inquiétude qui a pu naître chez bon nombre d'agents. Je sais qu'ils sont la cheville ouvrière des services publics de proximité. Particulièrement exposés, ils sont chaque jour au contact des bagnoletaises et des bagnoletais pour faire vivre ces services publics. Je l'ai dit, je le redis, je considère cette prime comme un acquis social majeur. Je sais ce qu'elle représente. Je mesure la précarité d'un grand nombre d'agents et sais combien cette prime est attendue. Avec la Direction générale des services, que je tiens à remercier ici pour sa mobilisation dans ce dossier, nous avons continué notre travail de conviction et avons argumenté auprès des services de l'État, préfecture et finances publiques que les délibérations de 1998 et 2001, qui n'avaient pas fait l'objet à l'époque d'une contestation de la part du contrôle de légalité, restent aujourd'hui exécutoires et permettent de procéder au versement du solde de la prime 2021. Ce travail a fonctionné. Je ne doute pas que la mobilisation des agents de notre collectivité y a aussi contribué. L'État a revu sa position et avec la municipalité et avec la majorité municipale, nous nous en félicitons. Le solde de la prime de 2021 sera donc versé et il a été intégré au train de paye. Après quelques mots seulement, parce que je l'ai déjà dit et écrit, il est normal et sain que les désaccords s'expriment dans nos sociétés démocratiques, toujours dans le respect. Les violences qui ont émaillé le mouvement social sont odieuses et inacceptables. Les faits pouvant engager la responsabilité pénale de leurs auteurs ont fait l'objet de dépôts de plaintes, 3 au total. Des procédures disciplinaires sont ouvertes. Je le dis, quoi que nous pensions de la légitimité du mouvement social, elles iront jusqu'à leur terme. Pour la suite, que les choses soient claires là aussi. Le préfet demande le retrait des 2 délibérations qui permettent ce coup-ci de verser encore le solde de la prime. Nous ne les retirerons pas. N'ayons cependant aucun doute sur la suite des événements. Leur légalité sera contestée par la préfecture devant le tribunal administratif et elles seront annulées par ce dernier, quoi que nous en pensions. Le seul moyen de préserver cet acquis pour l'avenir réside dans un outil que nous déplorons devoir appliquer, mais parce que nous sommes républicains et que nous appliquons la loi comme partout en France, nous le mettrons en place. Il s'agit du RIFSEP. Le RIFSEP sera mis en œuvre à la ville de Bagnolet. Je l'ai dit et je vous le redis. Il permettra de maintenir cet acquis sous la forme d'un versement dont les modalités devront être décidées et construites avec les représentants du personnel s'ils souhaitent y participer. Voilà ce que je souhaitais dire en introduction. Donc, nous allons démarrer l'ordre du jour. Monsieur Jamais. Avant qu'on démarre l'ordre du jour, on vous a déposé un vœu tout à fait concernant cette histoire qui a évidemment pris beaucoup de place, notamment par la mobilisation des agents. Et on aimerait, on vous a fait la demande, que cette question fasse l'objet d'une présentation en début de séance. Donc après, voilà. Et avant, moi, je voulais intervenir. Comme tous les vœux, Monsieur Jamais, il sera examiné à la fin, comme le prévoit le règlement intérieur. Je trouve que c'est bien dommage, parce que ça permettait à chacun d'entre nous de s'exprimer. Ceci dit, on est sur un point qui a fait l'objet d'une discussion déjà après une intervention, et je trouve que ça serait très éclairant pour la population qui nous regarde ce soir et que nous saluons, qu'on puisse continuer le débat et pouvoir se prononcer sur le sujet, y compris répondre à ce que vous avez dit à travers cette intervention. Donc, ce sera examiné à la fin, comme le prévoit le règlement intérieur. Vous réitérez en début de séance. Je vous réponds, comme le prévoit le règlement intérieur, le vœu sera examiné en fin de séance. D'accord, le vœu sera examiné en fin de séance, mais je souhaite faire une intervention néanmoins. Allez-y, monsieur Jamais. Merci. Donc, chers collègues, à travers le vœu que nous allons présenter donc en fin de séance, portant sur ce qu'il convient d'appeler la prime de vie chère, nous voulons interpeller notre conseil municipal sur plusieurs points. Notre pays, comme le monde, traverse une crise sans précédent. Les salariés sont précarisés comme jamais. Les incertitudes sur le lendemain pèsent sur beaucoup de foyers. Et pendant ce temps, les dividendes explosent et quelques-uns se goinfrent à travers des profits records. C'est dire l'indécence de cette annonce de la suppression de la prime. Elle est arrivée de plus, comme ça, sur les réseaux sociaux, par une annonce sur le profil Facebook du maire. Après de longs mois de rumeurs planant sur la ville, vous avez vous-même évoqué tout à l'heure que l'information vous est arrivée dès le mois d'août, et c'est vrai qu'elle n'a cessé de circuler dans les rues de notre ville à travers les agents. Et étrange méthode et méthode scandaleuse, qui en dit long sur la manière de concevoir le dialogue avec les salariés et les organisations syndicales, voire également l'information et la délibération de notre conseil et donc de l'opposition municipale. Nous n'en sommes pas surpris en ce qui nous concerne, même si nous n'en prendrons jamais l'habitude. Pour des agents qui ont du mal à joindre les deux bouts, catégorie C bien sûr, mais également B et A, on parle de 700 euros par mois pour des agents qui sont souvent à 10 euros près et qui attendent cette prime pour avoir un peu plus en fin de mois, en fin d'année, pardon, ou pour par exemple partir en vacances. Comment peut-on à ce point ignorer cette réalité? On ne peut pas avoir cette discussion sans aborder la précarité générale dans la fonction publique, que ce soit d'État, hospitalière et fonction publique territoriale. Les petits salaires sont généralisés. Cela nous permet de revenir sur les raisons politiques de la création de la prime par les municipalités précédentes. Car on ne peut pas avoir cette discussion sans évoquer le blocage du point d'indice décidé par les gouvernements successifs. C'était déjà une situation de grande précarité dans les années 70, à l'heure où cette idée de prime avait germé. On ne pouvait augmenter le salaire socialisé, celui qui permet d'ouvrir des droits sociaux supplémentaires, comme par exemple la retraite. Alors, on inventa une prime de vie chère, ce qu'on pouvait faire dans le cadre des compétences des collectivités, et d'abord celle à direction communiste. Déjà, l'idée, qui est encore plus urgente aujourd'hui, c'était de sortir les agents de la précarité. Posons-nous la question, comment un agent de la ville peut-il aujourd'hui se loger en dehors du parc social? Un parc social que nous savons tous ici fortement carencé. Comment boucler les fins de mois? Comment assurer à ses enfants une vie digne? Donc cette prime est vitale pour beaucoup. Et c'est un conquis social né de l'action sociale et politique. Son maintien, je crois qu'il faut qu'on soit lucide là-dessus. On le doit aux agents eux-mêmes. Un énorme bravo à eux. Une lutte exemplaire et intelligente. Bravo aussi aux organisations syndicales qui sont restées unies pendant cette bataille. On le doit aussi au soutien de la population et à celui des élus de l'opposition. Je l'ai dit plus haut, les agents ont appris la nouvelle sur les réseaux sociaux. Bravo le dialogue avec le personnel et les organisations syndicales. Ils ont imposé une réunion avec vous. Vous n'avez eu de cesse de louvoyer, de mentir au personnel. Je voulais donner quelques florilèges. Sur les réseaux sociaux, on a vu sous la plume de votre premier adjoint, c'est la faute à Jacqueline Chenavel et Daniel Mongeau. On fait sonner la charge contre les organisations syndicales, par le Parti Socialiste, par communiqué. Bravo au passage, ça c'était classe. C'est la faute au préfet et au trésor public et au trésor payeur, et au trésorier payeur général. Ce que le maire et toute l'équipe ont répété. Moi je crois que ce qui est fort là-dedans, c'est que les agents ne se sont pas laissés raconter des fables. Surtout qu'ils en avaient déjà entendu pendant la période électorale, où on avait dit que notre liste voulait faire sauter les primes. Et je crois que nous avons bien fait de rappeler aussi à cette occasion que c'était à travers l'histoire que je viens de rappeler, c'était nos amis qui l'avaient mis en place. En fait, dès l'annonce de difficultés réelles ou supposées. Vous avez parlé de août, et on est en droit de se demander, au regard du dénouement, vous auriez pu rassembler les agents, discuter avec les organisations syndicales, informer la population, accompagner les agents dans leur démarche. Vous auriez pu être dans l'action avec les agents, mais vous auriez pu faire autre chose. On l'aurait contesté. Faire des propositions, quand bien même on ne les aurait pas acceptées. On les aurait combattues, les organisations syndicales aussi, mais vous auriez pu, dès ce moment-là, faire un certain nombre de propositions. Non, on a attendu d'être au pied du mur pour justement faire les annonces à travers la méthode que je viens d'évoquer. Vous êtes contenté de vagues phrases de soutien qui ne mangeaient pas de pain ou de communiquer annonçant votre soutien aux agents. Alors, vous avez promis aussi également d'accompagner à la trésorerie, à la préfecture, mais jamais même on ne vous y a vu. Ce sont les agents eux-mêmes, avec les organisations syndicales, qui ont fait les démarches et qui ont gagné. La question, donc, est la suivante. Pérenniser la prime, c'est ce qu'ont fait déjà plusieurs collectivités. Je ne vais pas m'étendre, parce que ce sera l'occasion, à la fin de notre conseil, puisque vous l'avez décidé ainsi, que nous défendrons donc ce vœu. Mais je crois qu'on ne peut pas sortir de cette période qui est une crise confiance majeure entre votre municipalité et les agents communaux, avec un coup de menton du type « je vais appliquer le RIPSEP », ni avec des menaces, vous venez de les réitérer. Ça en dit long sur les états généraux du service public que vous avez annoncé. Avec des méthodes pareilles, on peut s'attendre au pire. Mais alors, on a un autre élément, c'est que dans les décisions prises par le maire, on a évidemment la décision portant attribution du marché passé entre l'opérateur économique Talisker et la ville de Bagnolet pour la somme de 22 680 euros. Il faut aller sur le site, on n'a pas eu le temps de tout à fait explorer, mais enfin, un site internet, c'est ce que veut montrer une organisation qui a envie de se vendre quelque part. Eh bien, Talisker, il n'y a pas des personnes qui vont venir animer les réunions, il y aura des influenceurs avec quelqu'un qui va s'occuper des questions d'agilité, de marketing, de transformation, etc. Donc, les clients majeurs de Talisker, c'est Total et Vinci. Et il y a une bonne page avec une interview de Jean-Marc Sylvestre, éditorialiste de France Inter, que l'on connaît tous comme un défenseur de l'ultralibéralisme. Bravo à vous. Donc, on sait déjà que ça va être évidemment une mascarade et que ça sera au contraire un outil pour faire encore reculer les acquis. Donc, nous serons évidemment vigilants. Moi, je pense qu'on est en dehors de ce qu'il faudrait faire aujourd'hui. Moi, je pense qu'il y a une urgence qui est absolue. Bon, ça a été dit par la CGT, les services publics sont asphyxiés par le gouvernement Macron, que la demande des habitants augmente autant qu'augmente la souffrance sociale, qu'il faudrait parler valeur du service public en permanence, et notamment avec les nouveaux recrutés, évoquer le statut de fonctionnaire citoyen que nous portons, faire vivre des politiques publiques et ne pas recourir systématiquement aux associations, voire au privé, s'appuyer sur l'expertise et le savoir-faire du personnel. Parce que nous ne le dirons jamais assez, c'est une phrase qui revient souvent, mais le service public est le bien de ceux qui n'en ont pas. C'est malheureusement vrai lorsque les moments de crise, on s'en rend compte particulièrement, mais c'est injuste. Parce qu'en vérité, c'est tous les jours, même sans le Covid, que les agents sont au front pour accompagner, écouter, informer, s'occuper des enfants, porter des repas à nos anciens. Petite expérience, moi j'ai vu comme président de l'office HLM une sortie massive des agents de la fonction publique, voulue par vos amis politiques qui étaient à l'époque à la présidence de l'Union sociale pour l'habitat, soutenu à l'époque par la droite, et dénoncé à l'époque par pas grand monde, il y avait les élus communistes, c'était il y a longtemps déjà, mais quand même, voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de fonctionnaires dans le monde HLM. Ce ne sont évidemment pas les agents en statut privé qui sont en cause et qui essayent de faire leur travail, évidemment, de bonne façon, non, évidemment pas, mais je crois que ce qui est en cause, c'est qu'une culture maison, celle du service public, celle d'être au service de la population, qui manque et qui est pourtant essentielle. Et moi, je crois qu'entre le statut et cette valeur de service public, tout cela est évidemment très lié. Je parle de ce fait car tout un pan de la fonction publique a aujourd'hui disparu. La volonté, et on le sait, il y a des gens qui, on parlait de Jean-Marc Sylvestre, mais il y a un certain nombre de gens aujourd'hui qui se battent pour que des aspects traditionnels du service public disparaissent et demain soient justement donnés au privé, ce qui serait un gâchis considérable. Un autre élément, un sondage qui vient de paraître, ça doit être dans la lettre, pas la lettre des cadres de la fonction publique, enfin en tout cas, c'est 93% des agents de la fonction publique sont fiers de leur travail, se disent fiers de leur travail. C'est une valeur et c'est quelque chose d'extrêmement important. Cela dit, un attachement fort à la mission, cela dit l'atout que cela constitue pour les municipalités et les populations. Il ne peut pas y avoir de service public sans agents de la fonction publique et sans qu'il en soit considéré. Notre soutien, c'est pour dire cela. et dire également que l'on ne payera pas durablement les agents publics avec des applaudissements, nous serons là demain disponibles, comme nous avons su l'être, pour défendre le statut et les conditions de vie et de travail des agents. Je vous remercie. Merci, Monsieur Jamais. La séance est réouverte. Premier point de l'ordre du jour, approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 30 septembre. Est-ce qu'il y a des questions, des observations ? Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Je vous remercie. Délibération suivante, compte-rendu d'utilisation des crédits 2020 dans le cadre du FSRIF. Olivier Tarver. Bonsoir à toutes et à tous. C'est une délibération très classique. Vous savez, nous sommes attributaires de cette dotation de péréquation horizontale qui est le FSRIF, qui est payée donc à l'échelle de la région Île-de-France par les communes riches à destination des communes pauvres. Nous devons, c'est une des contreparties faites aux communes justement qui sont contributrices à ce fonds, faire état des dépenses qui sont financées par cette dotation, bien qu'elle ne soit pas fléchée sur des politiques publiques particulières. Elle est directement versée au budget général. Néanmoins, il nous faut faire apparaître, par rapport aux différentes politiques, notamment sociales et de rattrapage qui sont exécutées par la ville, ce que ces dotations ont financé. Donc c'est un exercice essentiellement formel et que l'on doit délibérer chaque année. Vous êtes pour la plupart habitués à celle-ci. Merci, Louis. Est-ce qu'il y a des remarques ? Madame Garrido. Bonsoir tout le monde. Effectivement, c'est normal qu'on rende compte de l'utilisation des sommes qui nous sont attribuées en tant que commune dans le cadre de la péréquation régionale. Je regrette toutefois que le tableau qui nous est présenté là donne des informations qui pour certaines sont difficilement compréhensibles, mais vous pourrez peut-être me répondre là maintenant en séance, notamment la notion de pourcentage des dépenses, 39,55%. C'est 39% de quoi, en fait ? C'est-à-dire, je ne comprends pas bien. Et je voudrais aussi utiliser ce moment pour observer que dans le cadre des financements des actions que nous avons dans la commune, nous sollicitons souvent, évidemment, c'est normal, la région Île-de-France. Nous l'avons fait récemment dans un cadre d'un projet actuel qui est en cours de financement et d'élaboration, qui est la construction de la nouvelle école Pêche d'Or et qui implique, comme vous le savez, la destruction de la bergerie des Malassis dans l'emplacement actuel. Ce financement sollicité au Conseil régional Île-de-France sera présenté à la commission permanente du Conseil régional Île-de-France de demain. Et je souhaite vous informer que mon groupe a présenté un amendement de suppression de cette subvention, car nous considérons que les fonds de la région Île-de-France ne doivent pas servir à financer un écocide. L'association Sort de Terre a proposé un projet alternatif de ferme école. C'est parfaitement possible de faire et l'école et de maintenir la bergerie des Malassis en l'état. Si, pour des raisons qui m'échappent totalement à Bagnolet, votre majorité n'a pas su trouver les arguments pour essayer de défendre à la fois le droit à l'école et à une bonne école et à la fois le maintien de cette bergerie qui est le lieu, on va dire, mythique de l'écologie populaire à Bagnolet, s'il en est un. Toutefois, j'espère et je compte bien qu'au Conseil régional, il puisse y avoir des personnes sensibles à cette critère d'écologie, de préservation d'un écosystème qui, comme vous le savez, est un écosystème qui est là depuis 10 ans, qui a pris racine. C'est un écosystème végétal avec de nombreux arbres, animal, avec des insectes, le troupeau, comme vous le savez, et surtout un écosystème humain, puisque c'est dans ce lieu-là qu'on trouve le point de jonction entre les habitants du quartier, quelles que soient leurs origines, leurs conditions sociales, etc. Et c'est quelque chose, c'est un bijou qui devrait tous nous rendre fiers, qui est vu et qui est connu en dehors de Bagnolet. Et je ne comprends pas pourquoi on n'a toujours pas trouvé les moyens de maintenir la bergerie des Malassis et tout en fabriquant cette nouvelle école. Voilà, donc cette information faite, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. Il faut que les subventions y pleuvent. Olivier Tarvela. Alors, Madame Garrido, nous avons eu connaissance de cet amendement de suppression et comme les services et le cabinet font leur devoir, Nous avons pu avoir un échange d'ores et déjà avec un certain nombre de groupes du Conseil régional sur cette délibération et sur cet amendement, dont je ne doute pas qu'il sera rejeté par l'ensemble des groupes à l'exception du vôtre. Vous êtes assez mal informé sur l'état d'avancée du dossier de la bergerie et de l'école Pêche d'Or. Monsieur Amar lui-même ne réclame plus le projet auquel vous faites référence. Monsieur Amar est entré dans une discussion constructive avec la ville de Bagnolet. Monsieur le maire l'a reçu encore mardi en vue de trouver un accord sur des éléments extrêmement précis, fonctionnels, organisationnels, qui permettent le maintien de la bergerie, son développement durant la période de travaux et, à l'issue des travaux, une activité pérenne sur la ville de Bagnolet, dans le quartier des Malassis. Nous avons évoqué, je ne veux pas rentrer dans le champ des discussions, puisqu'elles sont encore en l'état de discussion, et donc je ne veux pas trahir ce que sont les propositions, les demandes de M. Amar, et ça fait l'objet d'une discussion très constructive d'ailleurs. Mais nous avons une avancée qui est positive et qui devrait permettre d'aboutir à quelque chose qui satisfasse l'ensemble des parties et qui permette de bien réaliser le projet d'école que nous avons construit maintenant depuis 7 ans à travers des concertations successives, dont les travaux ont commencé, puisque vous avez vu que des modulaires ont d'ores et déjà été installés sur l'ancienne école, et qui permettra effectivement de disposer d'une école, d'une crèche, d'un centre de loisirs, d'une bergerie et d'un espace vert public dans ce quartier fin 2023, et c'est bien sûr sur quoi nous nous étions engagés. Pardonnez-moi, mais je... Non, je n'avais pas la parole. Vous la demandez, je vous la donne. Je la sollicite. Vous avez 5 minutes d'intervention lors de la seconde prise de parole. Oui, j'en prendrai moins. Je vous remercie. Vous savez comme moi que la mobilisation pour la préservation et la sauvegarde de la bergerie des Malassis a été un point fort dans cette commune. Vous n'avez pas cédé parce que vous tenez absolument à passer par la force avec votre propre critère de ce qui est bon pour les habitants ou pas. Vous n'avez pas voulu écouter. Vous avez, à la limite, amélioré un peu votre proposition alternative de période transitoire pour la bergerie, si j'ai bien compris. Il n'en demeure pas moins que, du point de vue de la région Île-de-France, il n'y a aucune raison que la région Île-de-France finance ce qui est un écocide, de toute façon et en toute hypothèse. Et le fait que vous engagiez des discussions avec la bergerie, c'est peut-être une chose, mais en toute hypothèse, vous devez des informations et des transparences au conseil municipal et aux habitants. Ce lieu est un lieu qui appartient aux Bagnoletais. Et je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire qui consiste à répondre à des mouvements citoyens par des choses cachées, des négociations en cours. Pourquoi des négociations? Qu'est-ce que vous êtes en train de négocier? Quoi, en fait? Si vous avez des propositions à faire, ben faites-les et soumettez-les à la délibération et à la sagacité du conseil municipal et des habitants. Parce que cette façon de toujours travailler dans l'obscurité et en occultant la réalité vous permet en plus de nous... transmettre ici des informations sur ce qu'aurait prétendument dit M. Amar alors qu'il n'est pas là. Je trouve cette méthode vraiment profondément vraiment déloyale. Si vous avez l'intention d'être désormais le porte-parole du berger alors qu'il se bat bec et ongle depuis des mois et des années pour préserver cette bergerie que vous allez détruire, la moindre des choses, c'est pas de vous substituer à sa parole en nous rapportant ici des choses qui consistent au final de qu'en dira-t-on et de bruit, en fait, de couloir sur lequel on n'a pas le début d'une preuve. Écoutez, je ne suis pas le porte-parole de Gilles Amar. Nous vous disons simplement que nous discutons avec lui actuellement sur la base de documents qui ont été rendus publics et que le moment venu, nous viendrons soumettre nos propositions au conseil municipal. Voilà, c'est tout ce que l'on dit. Et effectivement, par respect pour Gilles Amar, on ne va pas développer ici les éléments des discussions qui sont en cours avec lui. Voilà. Donc je vous propose de passer au voix qui est pour cette délibération, qui est contre, qui s'abstient, elle est approuvée. Délibération suivante, rapport de la CLECT 2021. Olivier. Oui, donc là aussi une délibération classique cette période de l'année, vous le savez, la fiscalité économique perçue sur le territoire de la commune est reversée pour partie à la métropole du Grand Paris pour le financement de ses compétences. Le solde est ensuite transféré aux communes membres de la métropole du Grand Paris, qui elles-mêmes reversent à leur établissement public territorial les sommes qui sont nécessaires pour le financement des compétences que ces établissements exercent sur leur territoire. Lorsqu'il y a un équilibre insuffisant entre les dépenses et les recettes, les villes abondent d'une part supplémentaire qui s'appelle FCCT Équilibre, la contribution donc à l'établissement public territorial. Et ensuite, il y a une troisième fraction qui tient compte des mouvements de périmètre entre les différentes compétences exercées d'une année sur l'autre. Notamment, ce fut le cas il y a quelques années, lorsque le PLUI a été élaboré, il a fallu financer temporairement une dépense supplémentaire à l'échelle de cet ensemble. Cette année, il n'y a pas d'opération particulière à signaler sur le périmètre des compétences transférées. Il y aura même une moindre contribution de la ville à cet ensemble au regard de ces éléments et de la fiscalité perçue. Donc, je n'ai pas d'éléments particuliers à signaler dans le cadre de cette délibération classique, donc sur la FCCT. Est-ce qu'il y a des remarques, Madame Le Bouris? Bonsoir à toutes et à tous. Évidemment, nous allons voter ce rapport, mais je souhaiterais revenir sur les services que nous transférons à l'établissement public territorial. Je veux parler de la médiathèque qui sera transférée bientôt. Avant tout, je souhaite rendre un hommage à toutes les équipes de la médiathèque qui, depuis des mois, redoublent d'efforts pour continuer à accueillir dans les meilleures conditions les Bagnoletais, et ce, malgré d'énormes difficultés. Ils méritent tous nos applaudissements. Alors que nous avons traversé des semaines de confinement et que le besoin d'évasion, de culture, d'information et de rencontres était fort et important, vous avez choisi de réduire drastiquement le budget de la médiathèque. Moins 30% pour l'acquisition de documents et 0 euro pour l'action culturelle. Concrètement, cela se traduit par moins d'achats de documents, moins d'achats d'actions culturelles et moins d'actions en direction de la population, et notamment les familles et les enfants, rencontres avec les auteurs, les conteurs, les musiciens, les illustrateurs. C'est le choix de votre majorité. C'est un choix qui approuvit l'offre de lecture publique à la population, une offre qui aurait pu affirmer une forte volonté de politique de lecture publique qui fixe les orientations de la collectivité en termes d'objectifs, d'accessibilité à la lecture, à l'information et à la formation, qui sont les missions essentielles d'une bibliothèque publique. Vous auriez pu faire de notre bibliothèque le premier établissement en interaction avec les citoyens et la vie de la cité, offrant des services de qualité et répondant aux attentes de tous les publics. Vous ne l'avez pas fait. Aujourd'hui, vous préparez son transfert. Bien. Mais j'ose espérer que vous n'avez pas baissé drastiquement ces budgets afin de préparer ce transfert. Les Bagnoletais jugeront. Merci. Madame Le Bouris, on prépare ce transfert. Je rappelle que la médiathèque de Bagnolet est l'une des dernières à ne pas être transférée à cet ensemble, dont c'est l'une des compétences. C'est l'une des compétences. Voilà. Donc, et depuis de nombreuses années. Donc, ça n'a pas dû vous échapper. Donc, nous ne réduisons pas les moyens en direction des Bagnoletais. Et effectivement, nous allons transférer la médiathèque qui relèvera maintenant de la collectivité territoriale Est Ensemble, comme toutes les autres dans le territoire. Je propose de passer aux voix. Qui est pour ? Décision ? Parce que Soël Le Bouris ne remet pas en cause cette décision. Ce qu'elle vous dit précisément, d'ailleurs, c'est ailleurs, je fais un aparté, mais le personnel de la médiathèque, de manière générale, était relativement opposé à ce transfert pendant des années, parce qu'y compris c'était un des fleurons culturels de la ville, ouais. Et que je pense que c'est un des fleurons culturels de la ville, et que c'était dommage de le transférer à cet ensemble. Aujourd'hui, on a plutôt un personnel qui est favorable. Pourquoi ? Parce que les conditions aujourd'hui à la médiathèque, à la fois en termes d'achat de livres, et etc., a drastiquement baissé, c'est les chiffres que donne Soël Le Bouris, et que par ailleurs, quand on a un outil comme ça, où généralement le chauffage tombe en panne et qu'un certain nombre d'avaries se multiplient, effectivement, le personnel aujourd'hui souhaite vraiment, vraiment être transféré à cet ensemble. Donc ils le seront. Je propose de passer aux voix sur le rapport de la CLEC, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. Délibération suivante, autorisation de recrutement d'agents contractuels sur le fondement de l'article 3.3.2 de la loi du 26 janvier 84. Il s'agit d'un emploi d'auxiliaire de soins exerçant les fonctions d'assistant dentaire. Est-ce qu'il y a des observations ? Pas d'observation. Je propose de passer aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Délibération 5, même délibération pour un poste d'emploi, pour un poste d'ingénieur territorial exerçant les fonctions de chargé de mission. Est-ce qu'il y a des observations? Pas d'observation. Je propose de passer aux voix. Qui est pour? Il y a une observation. Juste une, c'est plus, ouais, une, c'est plus une explication de vote qu'une observation, et c'est dans la ligne de ce qu'on avait dit lors de la commission. C'est-à-dire que autant on comprend sur un emploi, parce que vous dites même chose, ce n'est pas la même chose du tout. La délibération précédente, elle porte sur un, endroit, sur un emploi très particulier en matière dentaire, et où on peut comprendre d'où notre vote favorable il y a une minute ou 30 secondes. On peut comprendre le recours à un agent contractuel, on le comprend beaucoup moins pour un ingénieur de sécurité incendie, où d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, ce poste a été longuement occupé par des fonctionnaires, d'ailleurs techniciens territoriaux, je pense souvent dans le passé à la ville. Et donc, du coup, autant nous avons voté favorablement à la précédente délibération, autant nous voterons défavorablement celle-ci. Écoutez, Monsieur Vionnet, votre attachement au statut de la fonction publique territoriale est désormais légendaire. Donc, je ne suis pas surpris par votre remarque. Simplement, vous expliquez qu'il s'agit d'un poste qui a été créé, qu'il s'agit, pour être précis, d'un chargé de mission accessibilité et prévention sécurité incendie, et que nous avons eu beaucoup de mal à recruter ce poste. Voilà, je me permets de le préciser. Qui est pour cette délibération? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est approuvée. Je vous remercie. Délibération suivante. Autorisation de recrutement et de rémunération d'un agent vacataire dans le cadre de la Journée internationale de lutte pour l'élimination des violences faites aux femmes du 25 novembre. Est-ce qu'il y a des observations? Madame Silly. Oui, bonsoir. Alors, un point, bien sûr, on se félicite de cette vacation. On se félicite que Bagnolet se mobilise dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Je rappelle ici que 101 femmes ont été tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint depuis le 1er janvier, que plus de 140 000 plaintes pour violences conjugales ont été déposées en 2020, que les agressions sexuelles, les agressions sexistes, les discriminations de genre sont l'hôte commun de toutes les femmes. Donc évidemment, c'est une bonne chose. En revanche, un bémol, qui a entendu parler de ce documentaire, de cette manifestation qui, je rappelle, le 25 novembre, c'est la semaine prochaine, comme d'habitude, alors je suis allée scruter, comme d'autres, le site de la ville. Je ne sais pas, en tant que bagnoletaise, en tant qu'élu, on a l'habitude de ne pas avoir les informations, mais en tant qu'administré, je n'ai rien vu passer, je ne sais pas. On peut regarder, nous on va se mobiliser de façon confidentielle, alors que Montreuil, dans le même temps, va inaugurer jeudi prochain une place Gisèle Halimi. Je pense qu'on se doit de mettre en œuvre des politiques publiques à la hauteur du drame qui se joue, les violences faites aux femmes, il s'agit bien d'un drame, les discriminations de genre sont un drame, et puisqu'on parle de discrimination, j'aimerais savoir si le chargé de mission en charge de la lutte contre les discriminations et l'égalité en faveur de l'égalité homme-femme a été recruté. Je suis assez surprise de ne pas voir la conseillère, ou alors je n'ai pas bien regardé, parce que je suis arrivée un peu en retard, mais la conseillère municipale déléguée en charge de la lutte contre les discriminations, qui n'est pas là, me semble-t-il. Je pense que, historiquement, cette ville avait une tradition de combat, de mobilisation aux côtés des féministes. Je dois avouer que je suis assez désabusée et sceptique quant au maintien de cette mobilisation. Donc oui, nous sommes favorables à cette délibération, mais je vous interpelle sur le combat. Et puis je terminerai quand même sur la lutte contre les discriminations, dont on a abondamment parlé. Vous savez que le Conseil départemental a mis en place un observatoire de lutte contre les discriminations, que de mémoire, 60... C'est où ? Ah, d'accord, ok. Bah, peut-être une mise à jour sur le site, c'est pas mal. Ce que vous appelez, pardonnez-moi, comme une absence d'information, figure dans le Bajomag diffusé à 15 000 exemplaires à la population. Et j'aimerais terminer, je vous rappelle quand même que on est en 2021, il n'est pas complètement aberrant de mettre à jour un site web, vous avez un agenda, vous pouvez, c'est important, les enjeux sont des enjeux importants, donc de grâce, c'est très bien le papier, mais essayez de passer au web, ce sera aussi une bonne chose. Je terminais sur les discriminations. Donc je regrette que l'adjointe ou la conseillère municipale déléguée ne soit pas là. Et j'aimerais aussi attirer votre attention... Madame Silly, s'il vous plaît. Parce que c'est une femme. Non, je vous avais une réflexion de la dernière fois, vous l'avez vu. C'est super facile. Ça n'a rien à voir, mais c'est super facile. Non, ça n'a rien à voir, mais c'est super facile. Je fais la même chose. Je reviens sur la lutte contre les discriminations. Allez-y. Et sur le chiffre qui, évidemment, vous a pas échappé, de 63% d'habitants de Seine-Saint-Denis qui estiment avoir été victimes de discrimination, en particulier à cause de leur origine, de leur couleur de peau, et 85% des 15-25 ans. Donc la lutte contre les discriminations ne doit pas être le parent pauvre de nos politiques publiques. Donc je nous invite collectivement à nous ressaisir sur cette question. Alors, Madame Silly, première chose, l'élu sera là demain soir, donc je vous invite à aller la rencontrer pour échanger avec elle. Le chargé de mission est en cours de recrutement. Est-ce que vous annonciez comme une absence de communication de la ville sur une initiative figure dans le Bajomag avec une diffusion à 15 000 exemplaires et Frédéric Gabin vous le met sous les yeux. Donc, chacun aura pu remarquer que votre information et que votre intervention... Je vous ai pas interrompu, Madame Silly, que votre intervention était sans fondement. Voilà. Je propose de passer aux voix. Qui est pour ? Vous l'avez interrompu. On peut avoir où, Mme Trévitch, alors, du coup, pardon, on n'a pas compris. La délibération est approuvée. Délibération suivante, acquisition d'un terrain situé au 72 avenue Gambetta et au 17 Grain d'Orge. Cédric Pape. Et on vous a envoyé l'invitation par mail aussi. Oui, bonsoir à tout le monde. Donc, il s'agit d'acquérir les parcelles S46 et S256 qui sont situés au 72 avenue Gambetta et 17 rue Charles Grain d'Orge auprès de la SCCV Bagnolet Grain d'Orge. Bah, d'une part, pour respecter tout simplement l'engagement municipal qui avait été fait à l'époque et aussi de porter une volonté politique de cette majorité municipale, celle de construire une future école élémentaire à cet endroit. Ces deux parcelles font une surface de 1409 m². L'étude de faisabilité qui a été réalisée en interne et qui ne reste qu'une étude de faisabilité, parce que ça peut varier, intègre des salles de classe, un espace de restauration, une bibliothèque, une salle informatique, une salle pour les professeurs, une cour intérieure. Les domaines ont été saisis et évalue ces parcelles à 502 000 euros hors taxes, soit 602 400 euros TTC. Voilà pour cette délibération qui permettra dans l'avenir et dans ce mandat de construire une école élémentaire en plein centre-ville. Édouard. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Donc on se réjouit de cette délibération qui vient mettre du concret sur cette école élémentaire de centre-ville que tu viens d'évoquer. C'est positif, d'une part, parce que les projections démographiques nous enjoignent à densifier l'offre scolaire. C'est positif aussi parce que ça va permettre de mieux répartir les élèves sur le territoire avec cette école en plein cœur qui sera le pendant de la maternelle Fromont. C'est positif aussi parce que ça s'inscrit dans l'engagement qu'on a pris de mettre l'accent sur l'éducation et sur l'école publique, qui est pour nous une priorité. Alors, c'est un engagement qui va se traduire un peu plus tard dans le plan pluriannuel d'investissement qui sera adopté par la ville et qui va confirmer nos ambitions pour les écoles Pêche d'Or, pour cette fameuse école dite Grain d'Orge pour l'instant, et pour le groupe scolaire Langevin notamment. Mais pour mener une politique ambitieuse en matière d'éducation, elle qui est déjà tant attaquée par Blanquer, il nous faut des moyens. Donc d'abord, les moyens de la ville, qui ont été mobilisés encore davantage en 2021, avec quasiment 1 million d'euros d'investissement dans la rénovation et la montée en gamme de nos écoles, mais aussi d'autres moyens, c'est-à-dire des subventions extérieures. Et là, je voudrais saluer des agents de la ville en particulier, les agents de la direction de l'informatique, à qui on a demandé de candidater à une subvention en matière d'équipement informatique dans les écoles, qui ont mené le projet de bout en bout avec succès, puisque vous allez trouver à la fin des décisions du maire l'enregistrement de cette subvention de tête 215 000 et quelques euros sur 2 ans qui sont attribués aux écoles de Bagnolet et qui vont nous permettre de moderniser l'informatique des écoles. Ça va nous permettre de payer des ordinateurs, de payer des tableaux numériques interactifs, des visualiseuses, et de rattraper l'équipement de la ville, le moderniser. Donc déjà que ces agents en soient remerciés. Et puis, je vais revenir sur la question de la subvention régionale, puisque je le redis, on a besoin d'autres subventions. Et quand j'entends que demain va être débattu un amendement de suppression sur une subvention de, je le dis quand même, il faut le savoir, de 1,8 million d'euros, 1,8 million d'euros que la région s'apprête à verser à la ville de Bagnolet pour les écoles des enfants de Bagnolet, cet amendement est proprement hallucinant. Vous nous avez dit, Madame Garrido, il y a quelques mois dans cette enceinte qu'il fallait qu'il pleuve de l'oseille sur Bagnolet. Et sauf qu'au moment où il pleut, vous ouvrez le parapluie. Et du coup, on ne comprend plus rien. Là, pour une raison de tactique pure politicienne, vous apprêtez à faire voter dans l'enceinte du Conseil régional, les chances que ça aboutisse qu'on connaît, un amendement de suppression d'une subvention pour la ville de Bagnolet, dont on connaît les finances, dont on connaît les besoins en matière éducative, de 1,8 million d'euros. C'est proprement hallucinant. Donc juste une proposition à vous faire. Vous réconcilier avec le sens commun et retirer un amendement scélérat qui coûterait aux finances de la ville 1,8 million d'euros s'il était adopté. Madame Garrido. Vous avez, j'imagine, lu l'amendement de suppression avant de faire votre diatribe. Vous verrez, donc vous auriez pu, ça aurait été loyal, informer le conseil municipal que dans l'exposé des motifs, il est clairement indiqué ce qui est demandé à la région, c'est de conditionner le versement des 1,8 million d'euros à la sauvegarde de la bergerie des Malessis. C'est écrit noir sur blanc sous vos yeux, monsieur Desnouelles. Je n'accepterai pas des méthodes mensongères. C'est public, de toute façon, je l'ai mis sur les réseaux. C'est écrit noir sur blanc. Il est possible de sauvegarder la bergerie des Malessis. Monsieur le maire a eu une expression tout à l'heure qui est de dire le projet de ferme école n'est plus sur la table, qui est quand même une expression absolument incroyable, puisque bien sûr que le projet de ferme école est sur la table. Il a été élaboré par des architectes, il a été pensé avec les habitants du quartier. Et donc, il existe en théorie. Et si par bonheur, Madame Pécresse était plus écologiste que vous, ce qui n'est pas impossible compte tenu de la façon dont vous n'en avez strictement rien à faire de cette bergerie et que vous allez au-devant de sa destruction. Et si toutefois, effectivement, notre vœu prospérait demain à la région et qu'effectivement, cette délibération de demain était retirée au bénéfice d'une subvention, cette fois accordée, donc de 1,8 million d'euros, et pour le coup, je suis, alors là, je signerai dès demain, je voterai, il n'y a pas de souci, je suis 100% d'accord pour que la région donne cette somme à Bagnolet. Mais pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas tous mis d'accord ici pour ce magnifique projet de ferme école qui permettait aux enfants de maintenir l'accès au rez-de-chaussée, au troupeau? Là, votre projet, il est béton, c'est que du béton. On aurait pu avoir des matériaux doux. Vous mettez les enfants à l'étage, tout en haut, dans des prétendues choses vertes, alors que c'est pas l'accès à la pleine terre. Enfin, cette discussion, elle est intelligente, elle est rationnelle, on aurait pu la mener. Et votre morgue, monsieur Desnouelles, votre façon d'utiliser, pour le coup, ceux qui font de la politique politicienne, bah pardon, mais c'est vous, c'est totalement vous. Parce que vous qui vous êtes présenté aux élections sur une ligne écolo, qui entre-temps avait adhéré à ELV, qui vous présentait écologiste et qui était le plus hostile à la bergerie des Malessis, et c'est vous, monsieur, qui devez retrouver le sens commun, le sens de l'écologie, le sens de la démocratie. En tout état de cause, moi je maintiens fermement que la région Île-de-France s'honorerait à financer à hauteur de 1,8 million, voire plus, pourquoi pas, si elle en a les moyens, un projet magnifique qui rendrait hommage, honneur à cette ville, la ferme école basée sur cet incroyable mouvement qui a été celui de la bergerie des Malassis et auquel les habitants des quartiers populaires tiennent. Parce que la bétonisation de ces quartiers, ça tombe toujours sur les mêmes. Le fait que dans les quartiers populaires, on densifie, dans les quartiers populaires, on retire des espaces verts qui sont conquis au béton, ça tombe toujours sur les mêmes. Vous, vous défendez vos jardins, vous avez des patrimoines fonciers avec des arbres, etc., magnifiques. Et bien les gens, eux, qui n'en ont pas, qui vivent dans des appartements, de logements sociaux, ils comptent sur la bergerie des Malassis parce que eux, pour eux, ça change la vie, contrairement à vous, monsieur Desnouel, qui, je ne cache pas, mais vous, vous êtes un des plus grands propriétaires fonciers du centre-ville de la ville. S'il vous plaît, vous avez chez vous des, s'il vous plaît. Vos enfants restons, ont l'accès restons à sur l'ordre du jour, madame Garrido. Donc, vous ne me prendrez pas sur le terrain jour. Monsieur Desnouel, de ce terrain-là. Je suis fier de défendre la bergerie des Malassis et j'utilise toutes les voies politiques et de droit pour le faire. Donc, on aura un beau projet d'école avec une belle école, une belle crèche, un beau centre de loisirs et une belle bergerie. Et on fera en sorte qu'il n'y ait pas trop de béton. Voilà. Monsieur Stalens. Oui, bonsoir à tous. Bah, j'espère, en tout cas, on verra. En tout cas, on en aura justement pas très longtemps. Permettez-moi de revenir sur l'école Grande Orge, pour commencer, hein, sur le sujet et revenir sur l'acquisition de cette parcelle pour laquelle, aujourd'hui, vous nous proposez de voter une délibération vous permettant d'acheter ce foncier à concurrence de 602 400 €, comme l'a indiqué TTC, comme l'a indiqué tout à l'heure Cédric Pape. Comment sommes-nous arrivés là ? Dans le sens où, en sachant que vous auriez pu mettre en place, comme la loi vous le permettait, s'agissant d'une même parcelle, un PUP, un projet urbain partenarial, qui vous aurait permis d'imposer aux promoteurs d'en assumer le coût. Comme le rappelle son texte de présentation que je viens de vous lire, le PUP n'est pas une taxe d'urbanisme, mais une participation. Il s'agit d'une méthode de financement contractualisée permettant le financement en toute ou partie des équipements publics nécessaires au fonctionnement des opérations de travaux ou d'aménagement. De plus, rappelons que cette entreprise, la COFIM, a pu, grâce au projet de la rue Grande Orge, et sans parler de la CERAP, retirer un bénéfice très conséquent sur cette première phase de construction. Si on fait un calcul rapide, 5 968 m² de logements auxquels on ajoute 1 044 m² de commerce à un prix de vente moyen de 6 000 € représente un chiffre d'affaires de 42 072 000 €. En sachant maintenant que les coûts de construction fluctuent entre 1 800 et 2 100 €, que je vais pondérer de 20% pour tenir compte de la taxe d'aménagement, donc 2 500 € du mètre carré, permettant un bénéfice d'environ 25 000 000 €, que j'ai pourtant minoré de 5 000 000 € pour tenir compte des aléas techniques, comme la conservation de la façade qui a été assez compliquée apparemment. Très confortable marge qui lui aurait permis sans aucune difficulté d'assumer les 602 400 € qui nous sont aujourd'hui réclamés. Comment se fait-il, puisque vous êtes à l'origine de ce projet, que vous n'ayez pas procédé à la mise en place d'un tel dispositif? Vous connaissez pourtant l'importance et la nécessité de construire cette nouvelle école. Il aurait dû être votre priorité, le point de départ de toute réflexion et de tout projet sur cette parcelle. Vous avez préféré répondre aux attentes, voire aux exigences des promoteurs. De plus, et au-delà de ces considérations financières, pourquoi cette parcelle n'a-t-elle pas fait l'objet d'une préemption forte pour permettre justement la construction d'un collège en centre-ville? Une occasion ratée, au vu des difficultés du collège travail dont vous aviez parfaitement connaissance et des enjeux de cohésion sociale, sujet pourtant crucial à Bagnolet. C'est bien dans nos écoles, dans nos collèges, que l'on peut construire la mixité et l'inclusion. Ne pas avoir pris la mesure de cette décision nous montre malheureusement une fois de plus votre manque de vision politique et de rigueur budgétaire. Pourtant, Bagnolet en aurait bien besoin. Pour toutes ces raisons, nous voterons contre cette délibération et je vous remercie. Monsieur Stalens, chacun connaît votre vision politique et votre vision tout court. On peut pas. Vous pouvez la résumer. On peut pas nous dire il aurait fallu préempter le terrain, considérant que la ville n'a pas les moyens de préempter un tel site, et nous reprocher de l'acquérir en partie pour... Je ne vous ai pas interrompu, donc ne m'interrompez pas. pour y installer une école. Je pense qu'à un moment donné, il faut éviter de raconter n'importe quoi. En tant que spécialiste de l'immobilier, vous devriez savoir, mais on vous le dit à chaque conseil municipal, que le projet urbain partenarial n'est pas cumulable avec le produit de la taxe d'aménagement. On vous le dit à chaque conseil municipal. Et à chaque conseil municipal, vous nous répétez la même chose. Donc, nous faisons le choix de percevoir un taux maximum, parce qu'elle est au taux maximum sur l'ensemble de la ville, la taxe d'aménagement. Donc, moi, j'entends ce que vous me dites. Il y a quelques mois, M. Vionnet se félicitait de la réalisation de ce projet, qui, je le rappelle, parce que la mémoire vous fait défaut peut-être, lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités, et là aussi, il y avait une mobilisation des habitants, des associations qui s'étaient créées à cette époque. M. Vionnet en était, Mme Hébette en était, d'autres en étaient. Je rappelle qu'à l'époque, il y avait un permis qui avait été déposé pour la construction de 153 logements en accession, rue Grain-d'Orge. Ça, c'était la réalité. C'était un permis déposé par COFIM pour 153 logements. Nous avons travaillé, nous avons débattu, nous avons présenté des projets, nous avons fait des groupes de travail avec les habitants et nous sommes arrivés à un projet avec 99 logements, dont un tiers de logements sociaux, avec un emplacement réservé pour une école, l'école du centre-ville. Vous savez, vous parliez, on aurait pu y faire le collège-travail. Certains, il y a longtemps, voulaient faire le collège-travail sur la ZAC. Ah, je vous invite à relire un certain nombre de documents à l'époque. Et pour y maintenir environ 1000 m² d'activité artisanale. Donc à un moment donné, on ne peut pas nous dire, vous faites n'importe quoi, vous n'avez pas de vision. L'emplacement réservé, il a été décidé il y a quelque temps maintenant. C'était en 2015, lorsque nous avons adopté le PLU au sein de cette salle. Donc si vous voulez, à un moment donné, il faut être cohérent. Il faut être cohérent. Il ne faut pas nous dire, vous êtes dans la prévision, vous ne prévoyez pas les équipements publics. Et lorsque l'on acquiert un terrain parce qu'on a un emplacement réservé, nous dire qu'on est des incompétents et qu'on manque de vision. Vous voyez ce que je veux vous dire? Je pense qu'au contraire, c'est important pour les enfants du centre-ville d'avoir une école à cet endroit-là. Allez-y. Je ne conteste pas le principe de l'école et de son importance, et en tout cas de ce projet du tout. Ce n'est pas la question. La question est de son organisation de financement. Pourquoi ne pas avoir fait peser sur le promoteur l'acquisition de cette parcelle? C'est ma seule question. Je ne remets pas en question le travail. Quand je vous parle de manque de vision, c'est quand vous avez commencé à travailler sur ce projet, l'école aurait été le point de départ. First, premier, on commence par ça. Comment ça va se dérouler? Comment ça va se passer? Et là, le PUB serait venu. Normalement, puisque dans le cas d'une négociation avec un promoteur, dans ce genre de situation, ce sont les promoteurs qui les proposent. Parce que la taille d'aménagement n'est pas forcément plus conséquente, comme vous venez peut-être de l'affirmer, que le PUB pourrait vous le permettre. Je pense que c'est une négociation qui a été malmenée avec un outil qui aurait pu être utilisé qui s'appelle le PUB et qui aurait pu, à mon avis, mener sur quelque chose de, peut-être encore une fois, de prioriser l'école. Et ça aurait, à mon avis, construit le projet un petit peu différemment et on n'aurait peut-être pas eu le bâtiment qu'on a maintenant derrière. En tout cas, dans l'histoire qui s'est suivie. C'est tout. J'arrêterai là. Monsieur Vionnet. Peut-être juste un bref mot, je n'avais pas prévu d'intervenir, mais comme vous m'avez cité, voire interpellé, j'ai un petit mot. Il faut peut-être faire un point d'histoire quand même, et je le ferai très brièvement en une minute. C'est qu'effectivement, ce projet, je peux parler avec, peu importe, ce projet a été présenté, je m'en souviens très bien, par COFIM, en votre présence, une première fois dans une réunion, tardivement, convoquée à l'école Francine Fromont, on a les mêmes souvenirs. Comme elle était tardivement convoquée, il n'y avait pas grand monde, et je m'étais exprimé, il y a eu d'autres réunions avec plus de monde, mais à la première réunion, il n'y avait pas grand monde, et je me souviens très bien que vous m'avez dit, monsieur Di Martino, que je ne représentais à peu près que moi-même dans mon intervention défavorable à ce projet. Suite à cela, une association d'habitants du quartier, qui s'appelle Bagnolet en Vie, dont je suis le co-président, s'est constitué avec un certain nombre de riverains, que je co-présidais avec Bénédicte Bastin, et nous sommes intervenus assez fortement sur ce projet, et notamment sur des éléments quand même qui étaient que le projet initial ne gardait très peu d'éléments de patrimoine, et surtout prévoyait, si mes souvenirs sont bons, une école de 4 classes, et qui était localisée. Non, initialement, il n'y avait pas du tout d'école. Oui, mais ensuite, était une école de 4 classes qui était localisée dans le bâtiment en structure métallique de la rue Grindorge. On ne s'est pas contenté à l'époque avec les habitants de s'opposer, puisque si vous en avez gardé mémoire, on avait fait un texte de plusieurs pages avec des propositions précises de conservation du patrimoine, de maintien de l'activité économique, etc. Une bonne partie de ces propositions n'a pas été retenue par vous et par COFIM. Mais effectivement, on a réussi à obtenir un bout de moindre mal, qui était la réhabilitation du bâtiment à structure métallique, qui est l'élément de patrimoine principal, la conservation des façades, même si je continue à penser que des éléments de halle auraient pu être réalisés, auraient pu être conservés, et d'autre part, une école tout de même de 6 classes, ce qui est sans aucun doute insuffisant par rapport aux besoins, mais mieux que les 4 que vous nous aviez proposés dans un premier temps. Donc voilà, je pense que je voulais juste refaire un petit point d'histoire, qui a eu effectivement une mobilisation d'habitants, et que de surcroît, cela n'enlève rien à ce qu'a dit mon collègue Sébastien Stalins, et qui est un problème plus général, parce que vous dites avec un peu de suffisance à Sébastien Stalins, ce que vous lui expliquez à chaque conseil municipal, je ne sais quoi, mais en même temps, on a souvent eu des discussions aussi sur le fait, la question tout de même, dans une ville où la promotion immobilière prolifère de partout, sur le mode de financement des équipements publics, parce que là, on est quand même dans une opération où la ville va financer intégralement l'école, et où de surcroît même, elle finance, ce qui est l'objet de la délibération de ce soir, l'acquisition foncière, alors que vous n'êtes pas sans savoir, mais c'est une discussion que nous avons eu de nombreuses fois, donc je ne vais pas nécessairement la réouvrir ce soir, qui a quand même des modes opératoires divers, le PUP en est un, mais il y en a d'autres, pour faire cofinancer les équipements publics. Mais en fait, je n'adresse pas avec suffisance à M. Stalens, je dis simplement qu'à chaque conseil municipal, où on a ce type de sujet, vous abordez la question du PUP, et je vous redis que nous avons fait le choix d'appliquer le taux maximal de la taxe d'aménagement sur tous les secteurs de la ville, et que là où la taxe d'aménagement rapporte plus, eh bien nous appliquons la taxe d'aménagement. Pourquoi appliquer un PUP là où la taxe d'aménagement rapporte plus? C'est tout ce que je dis. C'est tout ce que je dis, mais la question est posée systématiquement à chaque conseil et on est amené à vous répondre systématiquement. Parce que la taxe d'aménagement est un chiffre établi, c'est un pourcentage qu'on connaît. Le PUP est une négociation. C'est la grande différence. C'est que vous partez d'une base qui est établie, qui est réglée. Vous ne rentrez pas en négociation avec les promoteurs. Si vous le faisiez, vous obtiendrez peut-être plus ce que la taxe d'aménagement vous permet d'obtenir aujourd'hui. Mais M. Stalens, M. Vionnet vient de vous démontrer par A plus B qu'on était rentré en négociation avec les promoteurs, puisqu'on leur a fait, avec le soutien des habitants, modifier un projet qui n'était pas le leur. Ce n'était pas le projet qui était déposé en mairie. Ni celui que vous souteniez. Et je rappelle que c'était 153 logements en accession. C'était ça le projet de COFIM sur le site. Solène Le Bourris. Donc ce soir, vous nous présentez les premiers éléments de ce projet, d'un projet d'école, et je dois dire que c'est décevant et révélateur. Décevant parce qu'il devrait incarner une réflexion aboutie. Puisque vous en parlez depuis le début du mandat précédent, or, vous ne présentez que les grandes masses du programme. Surface, surface bâtie, cours, espace vert. C'est très vague, trop vague. Je passe rapidement sur les ridicules 5% de surface de pleine terre qui montrent bien que la densification se prolonge d'une artificialisation continue des terres. J'imagine que d'ici quelques années, vous ferez une campagne de désimperméabilisation des cours à grand renfort de publicité. Ce greenwashing dont vous nous avez habitués et qui constitue votre seule politique environnementale. Plus problématique est la question de la hauteur, 4 étages. Pour des enfants, c'est compliqué à gérer au quotidien. Cela veut dire un ascenseur et donc des frais de fonctionnement plus élevés. Oui, mais vous allez me dire qu'il y a une grande cour, plus grande même que celle de la maternelle travail transférée à Coton, que je connais bien. Mais il s'agit d'une cour du vide, ce vide laissé par la construction Grindorge. C'est donc les miettes inconstructibles laissées par le promoteur que vous allez caser pour nos enfants, pour les enfants. Ce projet d'école comporte 6 classes. Dommage que le projet n'en inclut pas davantage. 3 classes de plus, par exemple. Cela impulserait une refonte de la carte scolaire afin de décharger les autres écoles, notamment celle des quartiers populaires. Et c'est vraiment faisable. En somme, cette école imaginée par les délaissés de l'opération Grain d'Orge, n'a jamais été au cœur du projet d'aménagement global de cet îlot, et donc les enfants qui l'occuperont au cœur de vos préoccupations. J'en profite ce soir pour distribuer un carton rouge à M. Édouard de Noël. Lors du conseil municipal, ça y est, je peux continuer, je vous remercie. Nous ne sommes pas au spectacle, mais il y a un conseil municipal. Nous ne sommes pas non plus à l'école. Poursuivez, Madame Le Bourg. Oui, mais je sais bien, je sais faire la différence quand même. Je pense rarement, que... quand les femmes de notre groupe parlent, on les interrompt. Oui, parce que, en fait, tout à l'heure, c'est vrai que j'avais fait un petit hommage quand il y avait eu le conseil précédent où on avait taxé mes collègues de misogyne. Donc, en fait, je savais bien qu'il n'y avait aucun rapport, mais c'était juste pour faire une petite parenthèse qu'on peut dire n'importe quoi à tout moment, en fait. Donc, j'en profite parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, le 16 décembre 2020, on avait, donc, c'était une délibération qui concernait la maternelle école Pêche d'Or. Et j'avais évoqué la problématique de la carte scolaire. Vous avez fait un effet d'annonce, vous avez dit que vous seriez prêt à travailler avec moi et M. Gabin. Vous êtes empressé. Alors par contre, bravo, parce que tout de suite, vous m'avez envoyé un mail. Et puis après, on a eu des échanges où il était question de fixer une date. J'attends toujours. Ça date, alors, février 2021. Donc depuis, il était question de se voir pendant les vacances. Je vous avais donc dit que j'étais disponible. Je garde tout, j'ai les mails, j'ai les échanges, si vous voulez, je peux faire comme vous. Donc voilà. Donc parfois, c'est bien de faire des effets d'annonce, de vous faire passer en fait pour un élu d'ouverture où on est prêt à travailler avec l'opposition, à faire passer les élus d'opposition pour des feignants, pour des gens qui ne travaillent pas, pour des gens incapables qui n'ont pas de réflexion. Et quand à ce moment-là, vous allez au-delà de l'effet d'annonce, j'attends toujours. Là, on frôle vraiment l'irrespect. Donc, j'aurais pu, en fait, traiter ces questions, notamment de démographie avec vous, si cet entretien avait eu lieu, cette réunion, comme vous nous l'aviez annoncé au Conseil municipal de 2020. Je vous remercie. Cédric et Edouard. Je vais laisser Edouard répondre sur sa partie sur le carton rouge. En tout cas... Mais si vous voulez, soit on se fait des échanges d'invectives, parce que quand même votre sortie, le texte que vous avez lu est quand même loin de comporter beaucoup de compliments, il nous attaque aussi. Donc si vous voulez, il faut accepter quand vous attaquez d'être attaqué à votre tour. Bon, donc votre texte, il est quand même à charge contre nous. On parle quand même d'une sortie d'école, ça reste une très bonne nouvelle. Libre à vous, effectivement, de critiquer à tout va, de dire qu'il n'y a pas de visibilité. Vous voyez que là, il y a une vision, il y a surtout un respect des engagements lors de la campagne électorale. Il a été dit qu'il y aurait une école en centre-ville. Cette majorité municipale portera le projet de la création d'une école en centre-ville. Et comme vous dites si bien dans vos différents propos, la population pourra trancher à la fin si elle est contente ou pas d'avoir une école en centre-ville. Et pour ma part, mon petit doigt me dit que la population attend avec beaucoup d'impatience la création de cette école. Donc, les gens jugeront, comme vous dites, si bien. Maintenant, sur le côté fainéantisme... Oui, je finis, puis vous aurez la parole après, hein, vous en faites pas. Donc après, vous dites juste, oui, vous nous traitez de fainéants, vous envoyez des invectives... Moi, je voudrais juste te dire, parce que ça a deux semaines, la commission numéro 2 qui porte toutes ces notes-là, où vous auriez pu avoir cette intervention technique, vous auriez pu la faire, mais il n'y avait aucun représentant, aux fonctionnels, si vous voulez. La commission numéro 2, Madame Garrido, je crois que vous êtes les seuls à vous être excusés, d'ailleurs, entre parenthèses. Mais sinon, il y avait d'autres élus de l'opposition. Les mêmes délibérations étaient à la commission 1 où nous étions représentés. 1 et 2. 1 et 2. Mais c'est 1 et 2. J'étais là, donc excusez-moi, mais je l'ai présenté, c'était 1 et 2. Donc, et de toute manière, ça ne change rien au fait qu'il n'y avait personne de votre groupe, monsieur Jamais, à cette commission-là. Toutes les délibérations ont été étudiées en commission par notre groupe, seul. Puisque Cédric c'est Pape. Les mêmes délibérations. Cédric Pape seul. T'es pas là pour voir la carte scolaire, de toute façon. Mais Cédric Pape. J'ai l'impression que je vous touche, mais bon. Mais cette commission numéro 2... Vous m'en touchez une sans bouger l'autre, si j'aurais dit, si j'avais été pourvu ainsi par la nature. C'est d'une finesse. C'est d'une grande finesse, Madame Garrido. Écoutez, on la retiendra. D'abord parce que je crois que cette phrase appartient à M. Chirac. Donc, effectivement, à vous d'avoir des bonnes références. Merci beaucoup. Donc, merci de connaître toutes les sorties de M. Chirac. Mais ça n'enlève rien au fait qu'à la commission numéro 2, il n'y avait personne de votre groupe. Voilà. Et je trouve ça dommage parce que, si vous voulez, ces notes, et notamment la numéro 10 qui va arriver, qui est extrêmement complexe, je pense que vous y gagneriez à faire partie de la commission et à venir si, évidemment, ces projets vous intéressent. Maintenant, juste pour répondre maintenant sur le fond, sur Solène Le Bouris, excusez-moi de rappeler un peu à tout le monde, au public et à ceux qui nous écoutent, que vous n'étiez pas présent à la commission. Cédric Pape seul. Voilà. Et notamment vous aussi, Madame Claire Laurence. On compte les présences de votre majorité dans d'autres commissions, par exemple la commission 1 ? Cédric Pape seul. Décidément, ça vous agace. Bon, sinon, pour répondre sur le fond. Voilà, on y arrive, monsieur Jamais. Oui, là aussi, je vais pas être très gentil, mais quand vous dites, Madame Le Bouris, qu'effectivement, c'est un projet qui avance mal, mais c'est une étude de faisabilité, l'école. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne délibère pas sur la création de 6 classes, 4 classes, 5 classes, 8 classes. Non, on délibère, et je pense que vous l'avez bien compris, sur l'achat de la parcelle. Maintenant, il est vrai que vous êtes dans l'opposition, vous n'êtes pas dans la majorité et vous ne voyez pas comment ça fonctionne peut-être de l'intérieur, mais c'est après, et simplement après cette délibération, après ce vote, et j'espère que vous allez voter pour, parce qu'il s'agit quand même de la construction d'une école, qu'à ce moment-là, les services de l'éducation et les services du patrimoine bâti vont travailler ensemble de concert pour venir présenter à un prochain conseil municipal effectivement la programmation complète de l'école. Donc vous voyez, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Attendez de voir avant de critiquer. Je sais que ça vous titille de venir trouver des choses qui sont négatives à cette délibération, mais pour l'instant, ce n'est qu'une étude de faisabilité. Madame Le Bouris, et on va passer au vote. Oui, bien sûr. Très rapidement, non, je ne suis pas... Effectivement, je ne suis pas à la recherche d'une coquille pour pouvoir remplir mon rôle d'élu d'opposition. Mais avouez que ce rapport était quand même accompagné de détails. Je n'ai rien inventé quand je parle d'une cour, quand je parle de 4 niveaux. Même, j'avais bien compris que c'était une étude, mais ça a été quand même présenté. Donc, ça reste une base. Donc, je pense que je suis... Donc, j'en nous sommes discute. D'accord, c'est une étude. Excusez-moi, oui, mais... Voilà, c'est Monsieur tout. Pape, s'il vous plaît... Le droit des femmes, je sais. Non, j'ai levé la main. Enfin, Le Bouris seul. Oui, merci. C'est parce que, du coup, voilà. Après, juste, je voudrais parler sérieusement de ces histoires de commission. Vous êtes 31, nous sommes 8. En fait, vous demandez à chaque fois à 8 élus de l'opposition qui n'a aucune délégation, donc nous ne sommes pas en responsabilité, mais néanmoins, nous travaillons et nous essayons de faire au mieux pour pouvoir être présent et de travailler sérieusement et d'être aussi proche de la population. Vous êtes 31, nous sommes 8. Tout à l'heure, monsieur Pierre l'a dit. Est-ce qu'on, si vous voulez, on peut jouer à ça. On regarde qui était présent dans ces commissions, qui ne l'était pas. On ne va pas jouer à ça. Enfin, je veux dire, c'est petit. Là aussi, vous voyez, on est dans quelque chose qui, je pense déjà, les Bagnoletais, on en marre de ces petites guéguerres de « vous n'étiez pas à la commission », mais voilà, moi je vais recontextualiser. Vous êtes 31, nous sommes 8, nous sommes dans l'opposition, nous essayons de faire au mieux. Nous ne disposons pas de secrétariat, nous essayons de faire vraiment au mieux. Et on se répartit, et en termes de compétences, je pense qu'on est assez polyvalent. Pour venir à l'école, bien évidemment, on se réjouit d'une école au centre-ville, on est très contents, on ne dit pas le contraire. Mais voilà, je pense qu'il y avait des petits détails, et notamment sur la carte scolaire. Voilà, c'est des petites questions où je me dis, il va y avoir des écoles de petite taille, et on sait que, et notamment au Malassis, mais pas que, dans tous les quartiers de la ville, les écoles commencent à se remplir. C'est une histoire de démographie. Donc je me disais, ça pouvait... Là, je proposais, c'était une proposition, en fait. Peut-être que j'ai mal, mais voilà. Je proposais de peut-être revoir ce projet pour justement revoir éventuellement la carte scolaire. Et je trouve ça dommage parce que c'est vrai que, Monsieur De Noël, lorsque vous m'aviez fait cette proposition effet d'annonce, moi j'étais à votre disposition, février 2021. Voilà, donc à un moment donné, ça aussi, ça commence à bien faire. Vous voyez ce que je veux dire? Et je le dis très sérieusement. Donc voilà, donc j'ai fini. Donc vous êtes pour. Deux points. Première chose, il ne s'agit pas d'un projet définitif. Le projet sera travaillé, les études seront lancées, il y aura une concertation avec la population, avec la communauté éducative. Deuxième chose, la sectorisation scolaire fait l'objet à Bagnolet de secteurs flexibles qui permettent d'adapter sur plusieurs groupes scolaires les effectifs en fonction des besoins. Et il me paraît utile de le rappeler, Monsieur Stack. Non, mais très rapidement, je vais juste compléter ce qu'a dit Solène, à savoir que ce n'est pas du tout la remise en question du projet d'une école en centre-ville à Bagnolet dont il est question. Il a été question de deux sujets. Le premier sujet, c'est son financement, son mode de financement. La question, on en a débattu tout à l'heure, on ne va pas reprendre le principe, en tout cas sur ce sujet. Et le second point qui nous a alertés et inquiétés, c'est la nature, la faiblesse écologique de ce projet. Je ne sais pas si M. Noël peut répondre favorablement au fait que 5% de pleine terre simplement sont proposés. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est ce que bah alors, voilà. Si maintenant voilà. Encore une fois, il s'agit d'une étude de faisabilité. C'est ce que je viens de comprendre aussi. Maintenant, si l'étude permet d'obtenir un projet plus satisfaisant, on y travaillera. Vous pouvez compter sur nous pour le bien des Bagnoletais. Anne de Rugy. Oui, merci. Je voudrais juste intervenir, dire deux mots sur le fond, effectivement, sur la question de la pleine terre et sur la question de l'école. D'abord, je pense qu'il ne faut pas demander à la parcelle plus qu'elle ne peut donner, c'est-à-dire trois classes de plus, des étages en moins et plus de pleine terre. Ça va être difficile pour une même parcelle, il faudra trois parcelles et trois planètes. Ensuite, sur la pleine terre, il se trouve qu'en fait, c'est des pourcentages modulables dans le PLUI, d'Est Ensemble, qui est un des PLUI les plus en avance sur la question de la pleine terre. Et effectivement, quand c'est une parcelle de centre-ville insérée dans d'autres bâtiments, le pourcentage de pleine terre est assez logiquement assez faible pour être beaucoup plus grand, voire total, évidemment, quand il s'agit d'espaces verts et que la construction est totalement impossible. Donc, voilà, il faut voir ce qui est possible en plus du PLUI, en sachant que le PLUI d'Est Ensemble est très exigeant, qu'il y a effectivement, moi je le dis d'autant plus que j'avais défendu à la métropole le 30% de pleine terre. Et on s'est rendu compte avec les techniciens d'Est Ensemble que 30% de pleine terre, justement, pour des projets très urbains, très denses, 30% à la parcelle, hein, c'était pas possible. Donc je pense qu'il ne faut pas regarder un endroit très, très dense, il faut regarder sur l'ensemble. Et là aussi, il y a des efforts qui sont faits pour désartificialiser des endroits qui n'étaient pas en pleine terre. Délibération suivante, cession du terrain situé au 5 rue d'Aumier au profit de Madame Jovanovic, de Monsieur Jovanovic et de Monsieur Hochecorne. Cédric. Bon, donc on parlait de dépenses tout à l'heure, on va parler recettes, ce qui nous évitera, j'espère, un énième débat PUP versus TA. Mais j'attends le prochain conseil municipal, je suis sûr que j'y aurai droit encore une fois. Donc il s'agit de vendre un terrain en friche, terrain municipal situé au 5 rue d'Aumier, de 277 mètres carrés, issu de la parcelle N191. Il a été décidé, pour éviter de densifier à cet endroit, de garder ce terrain en jardin d'agrément. Et pour éviter toute spéculation, une clause d'obligation de garder ce jardin en terrain a été insérée pour une durée de 30 ans. Les deux propriétaires contigus ont soumis une offre, le lot A de 164 mètres carrés pour 41 000 euros hors taxes, donc et un lot B de 113 mètres carrés pour 28 250 euros hors taxes. Les frais de géomètre, pour information, comme vous aurez pu le savoir en commission numéro 2, seront remboursés pour chaque entité acquéreuse. Merci Cédric. Des remarques? Pas de remarques. Je propose de passer au voix. Qui est pour cette délibération? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est approuvée. Délibération 9, convention publique d'aménagement CP à l'ANOU, CRAC pour l'exercice 2020. Olivier. Alors là aussi, un exercice convenu maintenant sur cette CPA, puisque c'est un exercice qui perdure depuis maintenant 12 ans. Donc nous sommes amenés tous les ans à rendre compte, dans le cadre d'un rapport annuel, sur l'ensemble des opérations qui sont intervenues dans le cadre de la CPA, opérations financières, opérations patrimoniales, opérations juridiques diverses. En l'occurrence, pour l'exercice 2020, donc 1er janvier au 31 décembre, donc évidemment un peu en décalage avec l'état actuel d'avancée du projet. Deux éléments principaux à signaler dans le cadre du CRAC 2020. Le versement par la ville d'une somme de 9,3 millions d'euros, qui est l'avant-dernier versement substantiel réalisé dans le cadre de cette CPA, donc pour le financement des espaces publics de la dalle de l'ANOU et les travaux de la crèche et du centre social Tofoletti. La finalisation des travaux sur la dalle et la finalisation des travaux sur la crèche et le centre social Tofoletti, qui ont désormais ouvert, comme vous avez pu le constater, les uns et les autres. Reste en 2021 le règlement des opérations foncières et notamment des biens de reprise et le versement d'une dernière subvention d'équilibre de à peu près 6 millions d'euros, dont d'ores et déjà plus de 5 millions d'euros ont été versés. Le solde d'équilibre sera versé à la conclusion de l'opération, une fois que toutes les autres opérations remembrement foncier, notamment dans le cadre des assemblées générales de copropriétaires des entrepôts qui doivent avoir lieu d'ici la fin de l'année, seront réalisées. Des remarques, des observations? Monsieur Vionnet. Oui, donc là, j'interviens sur cette délibération au nom de notre groupe. Délibération qui n'est pas tout à fait, malgré tout, rituelle, parce que normalement, on arrive à la fin de la concession d'aménagement, donc c'est normalement... nous arrivons aux fins de cette opération. Bon, on peut constater que c'est en partie une triste délibération parce qu'au terme d'une opération très longue, qui a pris beaucoup de retard, on n'a pas le sentiment que les habitants expriment une grande satisfaction sur ce qui est produit. Je pense que vous avez tous lu le document que le Conseil citoyen de l'ANOU nous a adressé. D'ailleurs, j'en profite pour rendre hommage à la qualité du travail qu'ont fait ces bénévoles et qui notamment pointent les dysfonctionnements sur la TAL en termes, ce qu'on connaît malheureusement tous, de poursuite d'une piétonnisation un peu fictive vu l'envahissement des voitures et les questions de gestion des déchets. Et d'ailleurs, je ne peux que partager le souhait qu'exprime le Conseil citoyen ou le regret qu'il exprime que vous n'ayez pas souhaité, monsieur le maire, l'associer, comme ils l'écrivent, au comité technique du projet de rénovation urbaine. Bon, cette délibération, j'y reviendrai pas, parce qu'on a déjà évoqué l'histoire de l'opération, elle a des impacts financiers assez lourds. Donc, comme vient de le dire M. Taravella, un dernier paiement de l'ordre de 7 millions d'euros, et qui est un paiement, si j'ai bien compris, qui est allégé de 2 millions, enfin 1,997 et des poussières, en raison de la question des biens de reprise, c'est-à-dire de cessions foncières qui doivent intervenir sur un certain nombre d'éléments de parking, d'anciens locaux d'activité, d'anciens centres sociaux Tofoletti, dans la dalle de l'ANOU. Et du coup, on avait là deux questions sur cette question-là. La première, c'est celle, normalement, si j'ai bien lu les documents, ces biens doivent être cédés au 31 décembre 2021. C'est comme on en a parlé en commission 1 et le côté un petit peu flou de la réponse que vous nous avez faite, M. Taravella, m'a un peu inquiété, mais le mot est peut-être pas le bon, mais en tout cas m'a inquiété sur, parce que nous sommes déjà le 18 novembre, donc pour des sessions au 31 décembre, les délais deviennent courts, donc on a une inquiétude sur ce point-là. Et puis, il y a une deuxième question sur l'occupation des locaux, puisqu'on sait bien que quand on souhaite céder des biens, il vaut mieux qu'ils soient libres. Or, nous avions découvert en commission du 10 mai dernier, si mes souvenirs sont bons, avec mon collègue au sein de cette commission, Laurent Jamais, que vous aviez décidé d'attribuer ces locaux aux associations Alternativa et Front des Maires. D'ailleurs, un peu en vous cachant derrière ces couanos, mais à la page 13 du compte-rendu à la collectivité, il est clairement dit que c'est à la demande de la ville que ces locaux ont été attribués. Cette attribution, je pense que mes collègues compléteront sur les questions que nous avions déjà posées au conseil municipal en termes de transparence, d'absence de passage en bourse des locaux, etc. Il n'a échappé à personne qui font l'objet de débats au niveau national, puisque j'ai entendu M. Di Martino, le premier secrétaire du parti auquel vous appartenez, M. Faure, s'exprimer sur LCI. Et puis, on sait qu'il y a des débats au niveau local, puisqu'il y a une pétition d'habitants qui vous a été transmise. Ce n'est pas à l'ordre du jour du conseil municipal. Donc, je n'entre pas sur le fond. Par contre, si j'ai bien lu cette adresse, les habitants attendent une réponse écrite de votre part. Donc, nous la lirons avec attention quand vous la ferez. Et donc, effectivement, on a cette deuxième question, puisque lors de la commission du 10 mai, M. Taravella, j'ai relu mes notes, nous avait certifié que la convention d'occupation prendrait fin en décembre 2021 si les choses sont bien prévues comme ça. Donc voilà, donc nous, cette délibération, nonobstant ce que j'ai dit, comme effectivement, c'est d'abord un compte-rendu de l'aménageur, nous n'avons pas de problème a priori à la voter, à voter favorablement. Si les éléments, effectivement, qui sont contenus dans le texte de la délibération, et notamment les deux points que je viens d'évoquer, sont bien mis en œuvre avant la fin de l'année pour permettre, effectivement, la clôture de cette opération qui dure depuis fort longtemps. Alors, d'abord, sur le Conseil citoyen, je pense que vous en êtes resté à un certain nombre de textes antérieurs et que vous n'avez pas rencontré les membres du Conseil citoyen récemment, comme j'ai eu l'occasion de le faire au cours d'une balade urbaine après les vacances d'été. Et il y a un travail important qui est réalisé avec les services de la ville et avec les habitants, avec du Conseil citoyen, du Conseil de quartier, les associations, pour faire en sorte qu'un certain nombre d'aménagements puissent se concrétiser. Vous évoquiez la piétonnisation. Effectivement, il y a beaucoup de soucis sur la dalle. Après, je pense que vous pourriez au moins vous féliciter qu'à un moment donné, on arrive à avancer sur ce projet de l'ANOU qui a attendu tellement longtemps, qui a été porté par tellement de municipalités. Et effectivement, on a réussi quand même à avancer. On travaille sur le NPNRU, on a sorti un nouveau centre de quartier, un équipement petite enfance, alors que l'on nous expliquait que ça ne serait pas le cas et que ça ne verrait jamais le jour. Je vous renvoie au débat qui avait lieu dans cette instance après les élections municipales de 2014. Sur les biens de reprise, effectivement, sont en vente. Ils ne le sont pas encore à ce jour. Il y a plusieurs biens qui n'ont pas été vendus. L'objectif, c'est toujours de les vendre. Je vous le confirme, que ce soit les entrepôts, que ce soit le local qui est sur la dalle ou que ce soit l'ex-local Body One. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire en conseil municipal, et j'assume, nous travaillons à la pérennisation des activités de la maison de l'écologie populaire Vert Dragon sur les territoires communaux. Et c'est ce que j'avais eu l'occasion de vous dire dans le cadre du conseil municipal du mois de mai, tout en continuant à essayer de vendre ce local qui présente un coût important, mais de la même manière que les entrepôts font l'objet de discussions serrées pour permettre leur vente. Voilà. Édouard de Noël. Je tenais à noter toute l'élégance de M. Vionnet qui, au détour d'un texte technique sur la CPA de l'ANOU, arrive tout en circonvolution, en faisant mine de ne pas y toucher, à essayer de donner de l'écho à un texte, je cite, signé par des citoyens de Bagnolet, un texte absolument réactionnaire dans lequel on retrouve une bonne partie de la famille politique pour laquelle vous agitiez un drapeau, hein, vous retrouve en photo au Louvre pour l'élection d'Emmanuel Macron avec vos amis En Marche, tracté localement avec En Marche en 2017. Et on trouve fort logiquement dans cet appel réactionnaire, je continue. Et vous, vous avez voté pour Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle ? Réactionnaire. A priori, pour ma part, je ne fêtais pas la victoire d'Emmanuel Macron au Louvre. Voilà. Et je ne tractais pas avec En Marche aux législatives suivantes. Donc, effectivement, quand il y a un texte qui sent mauvais, vous l'activez, l'air de ne pas y toucher. Il s'agit d'un texte réactionnaire. Et vous y donnez tout l'écho que votre parole vous semble pouvoir y donner ce soir. On voit dans quel camp vous vous situez. Avec le silence de ceux qui sont à côté de vous, c'est absolument... Vous voulez qu'on parle ? Ah ben, on va parler. D'accord, on va parler. Donc, on sait où vous vous situez. J'ai eu l'occasion de le dire déjà autour de cette table. Toujours dans les coups bas, un de plus. Donc, on peut se féliciter à Bagnolet. Moi, je parle et le maire jour. L'a dit. Et le maire l'a dit. Restez calme, ça va bien se passer. Le maire l'a dit. Pardon ? Édouard de Noël seul. J'ai cru entendre du bruit, c'est pour ça ? D'accord. Donc, effectivement, il y a une maison de l'écologie populaire. Si vous n'avez pas envie d'y mettre les pieds, c'est votre problème. En tout cas, quand on voit les centaines de personnes qui s'y pressent régulièrement, que votre seule ambition, à vous, soit de relayer un texte raciste, allez-y. Claire Laurence. Hélène Le Bourris. Voilà. Donc à chaque fois, quand on n'est pas d'accord avec vous, on est raciste. J'en ai réactionnaire. Il a fini par raciste. J'en ai déjà payé les frais lors d'une commission où j'ai été traitée de raciste entre chez moi et mon école. Ben, je vais vous apprendre quelque chose, monsieur Desnouel. À Bagnolet, il n'y a pas beaucoup. Enfin, des racistes, moi, j'en connais pas. Voilà. Non, mais vous pouvez rigoler, mais en tout cas, est-ce qu'il y a eu une liste ? Ça fait combien de temps qu'il n'y a pas eu de liste Front National, enfin, République Nationale à Bagnolet ? Regardez les taux aussi, les taux au niveau du vote. Je peux vous assurer que si demain, il y avait des candidats réactionnaires qui viendraient à Bagnolet pour une conférence, je vous assure que je serais là pour leur dire qu'ils ne sont pas les bienvenus dans ma ville. Et moi, je peux vous dire quelque chose à Bagnolet. Non seulement on n'est pas raciste, on a des enseignants qui sont formidables, qui ne le sont pas. On a une communauté éducative qui se bat, des parents d'élèves, en passant par le personnel de service, les centres de loisirs, les AESH, qui se battent contre la fermeture des classes, qui se battent pour avoir plus d'AESH, qui se battent pour le non-remplacement des professeurs, parce que ça, c'est un problème. Vous savez qu'en Seine-Saint-Denis, parce qu'il est là le vrai problème. Vous savez qu'en Seine-Saint-Denis, un enfant de la petite section à la terminale par rapport aux autres départements perd une année d'école. Et oui, je suis d'accord avec vous, ce département est victime de discrimination sociale. Et ce qui est formidable dans cette ville, c'est que tout le monde se bat. En tout cas, je fais partie de ceux qui se battent pour tout ce que je viens de vous dire. Alors, monsieur Desnouel, si à chaque fois vous parlez de réactionnaire, de racisme, dès que nous, élus de l'opposition, on peut pointer des dysfonctionnements. Alors là, vous voyez, j'ai un problème avec la démocratie. Ça veut dire qu'à chaque fois, vous allez me prendre sur côté affect, bien évidemment, ça va m'atteindre, puisque je ne le suis pas, personne ne l'est. Vous le savez, c'est un jeu. Imaginez si moi, je le faisais vis-à-vis de vous. Vous seriez meurtri et je vous comprendrais. Mais à un moment donné, on peut avoir une discussion sereinement, sans toujours remettre sur la table le racisme réactionnaire. À quel moment nous avons relayé des textes ou quoi ? La seule chose qu'on demande, c'est légitime. Il y a des citoyens, ils vous ont écrit, ils veulent une réponse. Ils veulent votre réponse. On n'a pas dit qu'on... Enfin, je veux dire, c'est la seule chose qu'on demande. Vous êtes le maire de tous les Bagnoletais. Voilà. Enfin, je parle. Oui, c'est vrai. Excusez-moi. Là, je ne parle pas à M. Denois, parce que je sais que vous n'êtes pas de maire, mais si vous auriez voulu l'être, mais c'est M. Di Martino qui l'est. Mais voilà. Enfin, je veux dire. Moi, ça, c'est quelque chose que je ne supporte plus dans cette ville depuis 2 ans. Dès qu'on dit quelque chose, se faire traiter de raciste, ça devient insupportable. Débattons. Mais à quel moment, nous, élus de l'opposition, nous avons eu des propos racistes? Jamais. Jamais. Et ça, je vous assure, quand on est élu, on se bat pour le bien de sa ville. Mais on arrête ces polémiques parce que c'est juste insupportable. Alors, battons-nous pour le bien de la ville. Bravo. Alors, j'aimerais revenir, outre effectivement la petite interlude sur ce texte, qui est quand même un texte écrit par nos concitoyens, et on ne fait pas le tri. En fait, tout simplement, quand on est élu de tous les Bagnoletais, on ne fait pas le tri. Mais le vrai sujet, ici, dans nos responsabilités, c'est... on revient toujours sur la question de la transparence. Nous vous avions donc interpellé au mois de mai dernier sur les conditions de la mise à disposition des locaux de l'ancien centre Guy Toffoletti aux associations Alternativa et Front de Mer. L'actualité au niveau local, comme dans la presse, nous amène à y revenir, puisque vous avez été interpellé une fois de plus par plus d'une centaine d'habitants de Bagnolet. Je voudrais à ce sujet attirer votre attention sur 3 points. Le fort dynamisme associatif à Bagnolet, la fragilité financière des structures associatives et leur manque de moyens, et le peu de locaux disponibles à des prix abordables sur notre territoire. En contrepartie d'une redevance symbolique, le paiement des charges, vous avez, monsieur le maire, attribué aux 2 associations citées plus haut les locaux laissés vacants par le centre Toffoletti, même s'il est vrai que vous l'avez indiqué dans la presse, dans une tentative malheureuse de disculpation, la convention de mise à disposition temporaire a été signée par Sequano, propriétaire délégué des locaux en question. Mais cette modalité d'attribution pose problème. La mise à disposition d'un local à titre gracieux équivaut à une subvention en nature, ce qui devrait évidemment être débattu. Pour quelles raisons n'existe-t-il pas, dans notre ville, un règlement d'utilisation des locaux communaux régissant les modalités de leur mise à disposition ? Pour quelles raisons avez-vous diffusé un appel à candidature pour les anciens locaux du Bureau d'information jeunesse il y a quelques jours et non pour le 19 rue de l'Épine? Vous êtes investi d'un pouvoir de décision et à ce titre tenu de garantir une égalité de traitement entre l'ensemble des acteurs associatifs. Vous ne pouvez continuer à mépriser la délibération collective, à ne pas respecter les principes de transparence que vous vous étiez engagé à mettre en place. Madame Laurence, comme souvent, il vous échappe beaucoup de choses. C'est lourd. Ben ouais, c'est lourd. En fait, la convention d'occupation précaire signée entre Sequano et la Maison d'écologie populaire est par définition précaire et temporaire. Les locaux qui sont mis à disposition par la ville pour des locaux communaux ou pour des locaux qui appartiennent à l'OPH le sont dans le cadre d'une certaine pérennité qui visiblement vous a échappé. Ensuite, ces locaux ne sont pas mis à disposition gratuitement. Vous expliquez systématiquement. Je vous ai pas interrompu. Vous expliquez systématiquement que ces locaux sont mis à disposition gratuitement. La maison de l'écologie populaire s'acquitte d'une redevance trimestrielle de 5 000 euros. Donc, à un moment donné, il faut aussi rétablir les choses. Jean-Claude Oliva. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je partage pas l'idée qui a été exprimée qu'on serait face à un texte réactionnaires émanant de certains citoyens, voire de forces qui se cacheraient derrière ces citoyens. Je trouve, et mes amis, mon groupe, trouvant que ce texte, effectivement, mérite une réponse. Je crois pas, je connais à vrai dire la plupart des premiers signataires. Après, ça fait boule de neige, il y a beaucoup de gens qui l'ont signé, des gens peu recommandables, nous le savons tous. Mais si je regarde la plupart des premiers signataires, ce sont d'une part des gens qui habitent dans mon quartier, et ce sont pour l'essentiel des électeurs de gauche et écologistes qui ont voté soit pour vous, soit pour nous, au premier tour. Donc, voilà. Et en fait, moi, je ne suis pas très pressé de les renvoyer ni chez M. Zemmour, ni chez M. Macron, tous ces gens-là. Donc, c'est pour ça que mon groupe, nous allons effectivement leur répondre par écrit, et nous ferons ça, bien entendu, dès demain. Bien entendu, ça ne veut pas dire qu'on trouve très bien, très juste, tout ce qu'ils ont écrit ou tout ce qu'ils ont dit. On apportera une réponse circonstanciée. Et c'est sans, je ne vais pas vous la lire là ce soir. Je vous épargne ça. C'est pas le sujet du conseil municipal. Juste, je veux revenir un peu sur qu'est-ce que soutient la municipalité. Et enfin, nous, ce que nous soutenons dans cette municipalité. Effectivement, la municipalité a soutenu l'installation d'Alternativa à titre provisoire dans des locaux destinés à être revendus par les ménageurs publics séquano dans le cadre du programme de rénovation urbaine de l'ANU. Donc il me semble que jusque-là, c'est extrêmement clair, ça a été rappelé par M. le maire. Alternativa, je veux aussi le préciser, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, tout le monde ne connaît pas Alternativa, est un mouvement qui est né à Bayonne, non violent, promouvant des alternatives écologistes. Alternativa a organisé en 2015 un rassemblement de plusieurs dizaines de milliers de personnes, place de la République à Paris, autour d'un village des alternatives. D'autres manifestations ont suivi, des Tours de France à vélo, reliant les différentes alternatives écologiques, ont aussi été organisées. Alternativa, c'est l'écologie par l'exemple. Ce mouvement a souhaité sortir de Paris pour développer son action en banlieue et dans les quartiers populaires. C'est le sens de sa venue à Bagnolet. Il a souhaité aussi développer des liens avec des initiatives locales de terrain et s'est adjoint, eux, Alternativa, s'est adjoint le Front des maires pour l'animation de Verdragon. La municipalité soutient la popularisation de l'écologie dans les quartiers, le développement de l'écologie populaire. Verdragon nous semble s'inscrire dans ce courant, comme bien d'autres initiatives qui sont également soutenues par la municipalité. Je citerai les quatre saisons de la JDB, je citerai la bergerie des Malassis, je citerai les jardins partagés, les serres volantes, etc. Nous sommes bien sûr attentifs aux résultats de ces diverses expérimentations dont nous attendons des retombées positives pour la population. Depuis 6 mois, les échos que nous avons des initiatives de Verdragon ne confirment pas les craintes qui sont exprimées par les citoyens dans l'appel. Il y a des conférences, des débats, des rencontres, des présentations de livres, des ateliers, des activités diverses et variées autour de questions écologiques, comme l'alimentation ou la pollution liée à l'échangeur. C'est une programmation plutôt classique qui rejoint celle de nombreux lieux d'éducation populaire. Les signataires de l'appel disent que l'heure est grave. Oui, nous croyons que l'heure est grave à l'approche des élections présidentielles. Le climat politique est délétère dans notre pays et nous souhaitons ne pas céder aux fausses querelles qui cachent l'essentiel. Il y a tant et mieux à faire. L'urgence écologique, la crise sanitaire, l'accueil digne des migrants, la défense de l'école publique, de l'hôpital, de tous les services publics, l'antiracisme, l'égalité femmes-hommes. Nous connaissons, bien entendu, enfin, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup des signataires de cet appel et nous souhaitons continuer à agir avec eux. Nous espérons les retrouver dans tous ces combats dans l'avenir et nous allons poursuivre le dialogue avec eux. D'autres Anne-Dorie. Oui, merci, Monsieur le maire. Je vais ajouter quelques éléments à ce qu'a dit Jean-Claude Oliva, puisque je prends toute ma part dans la création de Verdragon. dans la mesure où, effectivement, j'ai été contactée par Alternatiba, qui souhaitait, et comme l'a dit Jean-Claude Oliva, établir une maison de l'écologie populaire. Il ne l'appelait pas forcément comme ça à ce moment-là, mais avoir un local qui soit ancré dans les quartiers populaires, de la même manière qu'ils ont une base, ça s'appelle la base. C'est un local de débat, un local où on peut prendre des cafés, qui se trouve dans le 10e arrondissement. Donc ils souhaitaient, ils étaient intéressés par une implantation à Bagnolet, et c'est ainsi qu'on a cherché un local qui pourrait accueillir une maison de l'écologie populaire et promouvoir des actions qui soient en lien avec le quartier et en lien avec les associations des quartiers. Donc il ne vous a pas échappé que le local provisoire qui a été trouvé, effectivement, c'est une convention provisoire d'occupation, puisque le local ne sera pas forcément libre éternellement. Il n'appartient pas à la mairie, c'est pour ça qu'il ne peut pas faire l'objet d'une bourse des locaux municipaux. Ce local est apparu comme un bon point de démarrage. Alors ensuite, j'ai lu la lettre, j'avoue que je ne la connais pas par cœur, mais soyez rassurés, on a le droit de ne pas être d'accord, en l'occurrence avec un texte politique, un texte militant. On a le droit de ne pas être d'accord avec le ton militant, comme on a le droit de ne pas être d'accord avec Pierre Bourdieu quand il parle de l'élimination systématique des classes populaires de l'école. Est-ce qu'il est anti-républicain à ce moment-là? Je ne le pense pas. Comme on a le droit de ne pas être d'accord avec les sociologues qui dénoncent les discriminations à l'école. Est-ce qu'on est anti-républicain quand on dénonce les discriminations? Je ne le crois pas. Mais ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de divulguer à dessein des fake news, c'est-à-dire dire que Bagnolet est une ville qui devient racialiste, indigéniste, séparatiste, toute une série de mots dont on ne sait pas très bien le sens, qui font monter la fièvre, littéralement la fièvre. Mais je vais vous dire, vous avez cité Olivier Faure. Eh bien, moi, j'ai eu mal en entendant Olivier Faure, car il n'est jamais venu à Verdragon. Et ce n'est pas parce qu'il est socialiste, pas écologiste ou autre, c'est parce qu'il ne connaissait pas. Il est interpellé comme ça à la télévision, et il commence à dévider quelque chose très rapidement, sans rien connaître. Alors moi, j'appelle tous ces gens qui déblatèrent sans rien connaître à venir à Verdragon et à regarder si ce qui s'y fait, parce que c'est ça qui est important, si ce qui s'y fait est anti-écologiste, si ce qui s'y fait est juste un alibi écologiste. On y a vu donc des débats avec reporters. Je ne crois pas que ce soit... Je pense que c'est... Une revue électronique qui est tout à fait reconnue en termes d'écologie. On y a vu des débats sur la pollution atmosphérique. On y a vu un débat extrêmement riche, un débat, je dirais, assez rare, sur le 17 octobre 61, avec des témoignages. Il y a une photo qui a été prise lors de ce débat, qui a ensuite circulé sur les réseaux sociaux. Et on a dit... en montrant la photo qui avait été prise avec des femmes qui avaient témoigné. Ah, voilà, c'est ça l'écologie avec Bagnolet, avec beaucoup de sous-entendus. C'est grave, vraiment c'est grave. Je dirais même plus, c'est odieux. Vous dites qu'il n'y a pas de racisme. Malheureusement, il y en a. Bon, là, je ne vais pas faire la collection de tout ce qui se lit sur les réseaux sociaux, mais j'ai même été étonnée. C'est vrai que j'ai été étonnée qu'on puisse traiter des gens de babouches, par exemple. C'est vrai que ça m'a étonnée. Je ne pensais pas que c'était possible. Tout à fait, je ne vous accuse nullement. Je ne vous accuse pas. Je dis juste qu'il y a des paroles qui font monter la fièvre. Et qu'en conséquence, effectivement, quand on lance ça, il faut savoir que ça va faire monter la fièvre. Et il faut savoir que ça va arriver sur CNews, qui ne me semble pas être... une télévision de gauche écologiste. Il faut savoir que ça va arriver sur Français de souche, très vite. Il faut savoir aussi qu'évidemment, vous le savez, cela va arriver dans Valeurs Actuelles. Évidemment, ailleurs aussi, j'imagine, mais je n'ai pas fait de revue de presse. dans Le Parisien aussi, et c'est tout à fait dommageable le ton de cet article et de Marianne. Alors tout se reprend en boucle, sans jamais vérifier, sans jamais regarder, mais quel est le programme, mais qu'est-ce qui s'y fait à Verdragon, sans jamais aller sur place. Voir des gens qui débattent, il y a une AMAP, il y a bientôt un compost, il y a des débats sur la pollution atmosphérique, il y a des débats sur l'école aussi, il y a beaucoup de travaux manuels sur les avec les enfants, il y a des cours, il y a une idée d'excellence. Je ne vois pas en quoi, honnêtement, les principes de la République seraient remis en cause. C'est ça qui me gêne. Laisser entendre que c'est anti-républicain, mais en quoi est-ce anti-républicain? Et puis, à un moment donné, il va quand même falloir se poser la question de savoir pourquoi, quand on lutte contre les discriminations, on devient racialiste et anti-universaliste. Parce que lutter contre les discriminations, et c'est un des objectifs de Verdragon en tant que maison de l'écologie populaire, lutter contre les barrières de classe, je pense que c'est tout à fait universaliste. Merci. Merci, Anne. Et donc, je reviens. Les faits sont têtus. Vous citez un texte qui emploie des termes racialistes, indigénistes, qui sont des termes popularisés par l'extrême droite. Qu'on le veuille ou non, c'est factuel. D'ailleurs, l'extrême droite ne s'y est pas trompée. Le journal de Zemmour, F de Souche, c'est le premier à avoir repris ce texte. Valeurs actuelles aussi. Et je me souviens d'une période, il n'y a pas si longtemps, où ça servait à votre liste d'arguments de campagne. Donc je vous ai dit des éléments factuels. Maintenant, j'en termine, est-ce que vous assumez des propos comme ceux-là? Ça, c'est ma première question. Est-ce que vous assumez ces mots-là? Ce texte, il est marqué politiquement. C'est un texte qui divise. Que vous l'ameniez ce soir au conseil municipal en grande délégation, signe ce que vous faites. Ça ne sert à rien de parler de l'Observatoire des discriminations de la Seine-Saint-Denis en disant que c'est un endroit formidable, puisque le président Troussel, dans son observatoire, dans le conseil citoyen de son observatoire, il y met le front de mer. Donc faire ensuite une attaque en règle... Ça n'a rien à voir avec ce que je disais. En défenseur des droits des beaux, de qui signe avec qui, de qui fait comment, etc. L'objectif, ce soir, c'était de ramener sur la table, pour diviser, pour castagner, un texte odieux. Vous l'avez fait. Vous semblez en être particulièrement fier. Nous ne rentrons pas là-dedans. Il y a des gens qui ont signé ce texte, effectivement, qui sont des combattants d'une certaine idéologie. C'est toujours la même rengaine, ces valeurs actuelles, ces Français de souche, etc. Oui, quand on a une obsession comme celle-là, j'ai vu qu'il y avait Didier Hidjadi qui avait signé, quand on a une obsession méthodique à cibler une partie de la population, je trouve ça regrettable. Si vous aviez mis un tant soit peu, que vous aviez passé la barrière d'être une opposition frontale et que vous aviez mis un pied dans ce lieu, vous y aurez vu tout ce qu'a dit Anne et bien davantage. Et quand on voit des centaines de personnes qui s'y prêtent, quand on voit des dirigeants de l'écologie politique qui y vont et qui l'embrassent, je me dis, dis donc, il faut être quand même sacrément culotté pour aller ressortir une espèce de texte nécrosé écrit par un carteron de personnes qui vraiment empruntent à l'extrême droite ces mots. C'est tout. Alors, nous allons revenir à l'ordre du jour et voter le crackle 2020. Je propose de passer aux voix. Non. Non. Pardon ? Quoi ? Qu'est-ce qui est une honte ? Bon, Monsieur Jamais, 2 secondes et ensuite on passe au voix. Non, ça ne durera pas deux secondes, parce que je pense qu'il faut qu'on prenne un peu de temps quand même. Merci. Moi, je pense que, effectivement, votre majorité municipale est polyphonique sur le sujet. Donc, c'est à vous, y compris que la question s'adresse et sur lequel vous devez apporter une réponse. Moi, je voudrais dire deux petites choses, parce qu'on ne va pas se faire insulter comme ça, quand même. Parce que nous, je parlais de moi, tiens, pourquoi pas. Moi, je suis un militant antiraciste. Je considère que les questions de discrimination sont insupportables. Je considère que la pensée coloniale, effectivement, fait partie des questions qui structurent un certain nombre de problèmes dans la société française. Pour autant, on vous pose un certain nombre de questions relatives à la manière dont les locaux ont été attribués à la NOU. On le fait avec, effectivement, une question essentielle, enfin, des plusieurs questions essentielles. Moi, j'ai écouté vendredi la conférence. On nous dit, la personne qui prend la parole dit, nous sommes une association politique. Ça a du sens, une organisation politique. Bon, la question qui est posée, est-ce que, par exemple, dans la question qu'on vous a posée au conseil municipal du 5 mai, est-ce que les conditions d'attribution telles qu'elles peuvent être faites pour d'autres locaux ont été réunies? Non, vous répondez effectivement qui est votre réponse, et on fait ça avec l'office, et on fait ça avec les locaux de la ville. On vous dit, c'est un local paramunicipal quand même, et donc on relie dans le truc qu'effectivement, c'est à votre demande que les choses se sont faites. Donc, pourquoi vous ne posez pas la même question pas interrompu pour les locaux le d'I3F, les locaux de Win-Win à I3F? Depuis le début de ce conseil, je ne vous ai pas interrompu, donc je vais continuer. Donc, effectivement, on vous interroge, on pourra vous... Alors, je vais venir tout à l'heure à cette question. On vous interroge, effectivement, là-dessus. Est-ce qu'effectivement, une municipalité a vocation à attribuer un local important à une relation politique? Moi, vous répondez, c'est une question que vous êtes, sur laquelle vous avez amené à vous répondre. Maintenant, sur, effectivement, moi, tout à l'heure, dans l'intervention sur la question du service public, effectivement, j'ai dit, aujourd'hui, des actions qui étaient de l'ordre du service public, de la politique publique, est aujourd'hui assumée de plus en plus par des associations. Et c'est vrai qu'on a pu entendre dans la ville qu'un certain nombre d'actions dans les centres de quartier aujourd'hui étaient animées par différentes associations, dont l'association dont on parle ce soir. Voilà, moi, je pense que c'est des questions sur lesquelles vous devez apporter des réponses à nous et, évidemment, à la population de Bagnolet. Enfin, pour finir, moi, je pense que... Monsieur Desnoëls, vous n'allez pas nous dicter ce qu'on a à faire. Je veux dire, les mots que vous employez, chaque fois que l'on prend une expression, que ça soit, par exemple, sur la destruction des logements sociaux, que ça soit sur la question de la bergerie, que ça soit sur l'association Ziri, que ça soit sur toutes les initiatives que nous prenons, la défense des employés de la ville, etc., à chaque fois, vous avez effectivement... Des interpellations à notre endroit qui sont insupportables. Moi, je vous le dis, si quand on veut faire de la politique, à un moment donné, il y a un truc qui s'appelle le respect de la démocratie, le respect, effectivement, de la capacité de pouvoir débattre ensemble. C'est pas ce qui est en train de se dérouler. C'est pas ce qui est en train de se dérouler aujourd'hui. Et moi, tout le monde a le droit d'avoir son agenda politique et de faire de la politique. Tout le monde. Tout le monde. Après, la question qui est posée, est-ce qu'en l'occurrence, est-ce que c'est forcément à la ville de subventionner ça? Est-ce que ça, c'est une question qui est posée? Moi, j'empêche personne, évidemment. J'ai le droit de ne pas être d'accord. Merci, Madame de Rugy, de me dire que j'ai effectivement le droit de ne pas partager. Voilà, c'est des questions qui sont évidemment essentielles. En tout cas, ce qui est posé aujourd'hui, vous avez eu des expressions de la municipalité qui sont divergentes ce soir, et moi, je vous demande effectivement d'apporter les réponses aux questions qu'on vous pose. Choki Haddad et Jean-Claude. Oui. Alors, merci, Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, en fait, ce qui est en train de se passer ce soir, moi, je trouve que c'est quand même fabuleux. Moi, je fais de la politique et je fais de la politique de gauche. Okay ? Je pensais qu'autour de cette table, nous étions tous de gauche. Or, aujourd'hui, je ne vous ai pas intervenu, je ne vous ai pas interrompu, laissez-moi terminer. Merci. Or, aujourd'hui, ce que je constate, c'est qu'en fait, vous soutenez un texte d'appel qui contient des termes clairs, des termes très clairs. Solène Le Bouris, vous me laissez terminer. À chaque fois que je prends la parole, vous ne me laissez jamais terminer. Donc, respectez un peu les collègues élus, respectez-nous, ok ? Je ne vous ai jamais interrompu. Je vous remercie. Donc, le sujet, il est très simple. Vous soutenez visiblement un texte réactionnaire, un texte qui contient des propos d'extrême droite. Et ce n'est pas rien. On est censé être tous de gauche. Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas de gauche. Raquel Garrido, je termine. Merci. Premier élément. Deuxième élément, ce texte contient des termes clairs, parmi lesquels indigéniste et racialiste. Je vous pose la question simplement, purement et simplement. Que veulent dire ces termes ? Est-ce que vous savez qui a inventé ces termes ? Très bien. Donc c'est l'extrême droite, je vous l'apprends, c'est l'extrême droite qui invente ces termes. Donc vous, qui prétendez être des élus de gauche, aujourd'hui, vous flirtez avec l'extrême droite. Ok ? Donc ça, c'est le deuxième élément. Ensuite, sur la question de savoir... mais c'est Alternatiba qui a été contacté en premier, etc., etc. Donc, en fait, il y a une chose quand même qui est très simple. Il faut interroger les personnes que vous citez. Eux-mêmes disent que ce projet est un projet en commun, co-construit avec Alternatiba et le Front de Mer. Il s'agit d'un projet de construction d'une maison de l'écologie populaire, un lieu inédit en France. Or, ici, vous ne faites qu'attaquer ce lieu-là, un lieu qui n'a jamais vu le jour en France. Ok ? Je continue. Laissez-moi terminer, je continue. Ensuite, autre attaque quand même assez étrange. On cesse de dire que le texte d'appel du Front de Mer est quand même assez particulier, etc. Mais je ne comprends pas, en fait. Il ne fait rien d'autre, et je le dis encore une fois, entendez-le bien, il ne fait rien d'autre que citer des études qui existent, des études produites par l'Éducation nationale. Est-ce que l'Éducation nationale est racialiste ? Est-ce que l'Éducation nationale est indigéniste ? Je vous écoute. Non ? Très bien. Est-ce que le CNRS qui produit des études qui prouvent les inégalités, citées notamment dans le texte d'appel du Front de Mer, est-ce que c'est des racialistes ? Est-ce que c'est des indigénistes ? Je vous écoute ? Très bien. Je continue. Ce texte qui est cité et qui est repris par La République En Marche, par des militants d'extrême droite, a été aussitôt publié dans les médias et dans les journaux. Lesquels ? Je veux vous écouter. Quels journaux ? Valeurs Actuelles, extrême droite. Marianne, extrême droite. F de Souche, extrême droite. Donc vous qui prétendez être des élus de gauche, est-ce que vous soutenez cet appel ? Est-ce que vous soutenez cet appel ou pas ? Alors plus personne ne parle. Quand on sait que Claire Laurence, qui est siège ici, a répondu à Valeurs Actuelles. Alors c'est intéressant, M. Vionnet, parce que lors du conseil municipal du mois de mai dernier, ce que vous faisiez mine de ne pas savoir que Claire Laurence avait répondu à Valeurs Actuelles. Écoutez bien, vous avez fait campagne lors des municipales avec des journaux tels que Valeurs Actuelles. Il faut l'assumer. Vous prétendez être de gauche, mais là, dès qu'il y a une opportunité de faire de la politique politicienne, vous y allez et vous foncez dedans. Claire Laurence, je ne vous ai jamais interrompu. Je vous remercie de me laisser terminer. Merci. Je termine. Autre chose. Alors, ce qui est quand même intéressant, c'est que vous nous reprochez de ne pas répondre à ce texte. Moi, je vous le dis clairement et simplement. Je ne réponds pas au texte d'extrême droite. Ce texte est un texte d'extrême droite. Il contient des termes d'extrême droite. Il a été repris par tous les journaux en masse, les journaux d'extrême droite. Okay ? Il est repris dans les médias, dans les mêmes groupes de médias auxquels Raquel Garrido y va régulièrement pour parler, pour diffuser ses messages, etc. Et ce groupe de médias, c'est des médias, comme Hervé Quinf l'a dit dernièrement, ces médias-là, ce sont des médias qui sont détenus par des milliardaires, qui servent la soupe à Éric Zemmour. Donc ma question est très simple. Est-ce que vous assumez Valeurs Actuelles ? Est-ce que vous assumez que Claire Laurence a répondu à Valeurs Actuelles ? Est-ce que vous assumez votre position là-dessus ? Est-ce que vous assumez d'avoir fait de la politique policière avec l'extrême droite ? Et donc là, je vois bien ceux qui n'assument pas. Voilà, ils sortent de la salle. Parce que quand on vous met face à vos réalités, les réalités sont très simples. Non. Les réalités sont très simples. Raquel Garrido, l'extrême droite, Raquel Garrido, Valeurs Actuelles. Est-ce que vous assumez ? Ouais, très bien. Moi, je pensais vraiment qu'on était autour de la table tous des élus de gauche, mais là, visiblement, je me rends compte que non. En fait, c'est tout. C'est simple. Voilà. Donc ça, c'est de la politique politicienne pathétique. Voilà tout, pathétique. Et donc, il va falloir l'assumer. Il va falloir assumer publiquement que, en plus, parmi les signataires, il y en a très peu qui habitent Bagnolet. Il y en a très, très peu qui habitent Bagnolet. Certains des signataires tiennent des propos homophobes, des propos sexistes, des propos islamophobes. Est-ce que vous l'assumez, ça? Est-ce que vous l'assumez? Voilà, plus personne répond. Bon, je propose de passer aux voix. Qui pour? Jean-Claude Oliva. Merci. Juste pour souligner deux ou trois points dans la discussion. Moi, je suis bien d'accord avec Anne de Rugy quand elle dit qu'il ne faut pas faire monter la fièvre. C'est vraiment, il ne faut pas faire monter la fièvre. Il ne faut pas faire monter la fièvre des deux côtés. Voilà, on peut pas, quand on traite des citoyens de gauche, de racistes, de fachos, de réactionnaires, pour moi, c'est aussi faire monter la fièvre. Et donc, je pense qu'il ne faut pas faire monter cette fièvre-là et diviser ainsi la ville. Pour dire, j'en ai pas besoin, pour dire vous avez le droit, pour dire les choses aussi d'une façon factuelle, moi, je ne me reconnais pas dans les termes racialistes et indigénistes, sauf qu'ils ne sont pas dans le texte que les citoyens, dans le premier texte que les citoyens nous ont envoyé. Non, je l'ai là, sous les yeux, justement. Je vérifiais là, en t'écoutant. Ces termes-là ne sont pas dans ce premier texte. Après, ça a été repris, mis en scène par les uns et les autres, etc. Exactement, voilà, c'est surtout ça. Nous sommes bien d'accord. Mais attends, okay. Tu ne m'interromps pas, ok, s'il te plaît. Voilà, ce qui est dit, il y a des choses qui sont dites avec lesquelles je suis en désaccord dans leur texte. Il y a des choses que je partage. L'inquiétude sur les termes du texte fondateur du Front de Mer, moi, je la partage et je suis sur ce point-là du même avis que les citoyens qui nous ont interpellés. Voilà, je veux le dire. Moi, ma conception, et je vois bien, et je n'ai pas une image négative de Verdragon et je suis attentif à cette expérience. Mais ma conception de l'écologie, c'est plutôt l'écologie qui rassemble que celle qui divise et qui veut aller forcément au clash et au clivage maximum. Vous avez vu, il y a quelque temps, il y a eu chez les écologistes la désignation d'un candidat au présidentiel. Je vous dirais que moi, personnellement, je préférais plutôt Sandrine Rousseau. Ce qui l'a emporté chez les écologistes, c'est la nécessité d'avoir un candidat de rassemblement. Donc, aujourd'hui, certains termes, certaines choses qui sont avancées avec Front de Mer, moi, vont clairement à l'encontre de ça. Citez des exemples, s'il vous plaît. Citez des exemples. Qu'est-ce qui vous pose problème? Non, on va pas. Claude seul. On va pas. Je veux pas m'enfoncer dans la polémique, justement. J'essaye que. Moi, je veux, comme le dit Anne de Rugy, je veux plutôt calmer le jeu. Après, le débat, s'il faut qu'on ait un débat ensemble sur l'école, moi, je suis prêt à l'avoir tranquillement avec toi, avec eux, avec d'autres. Il n'y a pas de souci. Parce que je pense que sur le fond, vraiment, sur les questions de l'école, par exemple, et du refus des discriminations à l'école, sur la caractérisation des discriminations, sur aussi qu'est-ce qu'il faut faire pour combattre les discriminations, nous avons tous des idées, nous avons tous des expériences, nous avons tous des pratiques et nous pouvons les mettre en commun et avancer ensemble sans s'envoyer des noms d'oiseaux et sans s'exclure les noms les uns les autres. Moi, mon expérience de la vie politique et associative et militante, c'est pas la disqualification des adversaires d'un moment ou des gens avec lesquels on n'est pas d'accord sur telle ou telle chose et la disqualification violente. Non, c'est plutôt essayer le débat et essayer la construction collective. Voilà. Donc, je propose peut-être qu'on en reste là pour ce soir. Oui, juste un dernier mot quand même de précision, quand même, que je veux dire. Je vous ai parlé d'Alternatiba et de comment s'est mise en place Alternatiba. Personnellement, Front de Mer, moi, je l'ai vu arriver après. Je l'ai vu arriver sur un tweet. Je ne l'ai pas vu arriver dans nos discussions. Donc, je dis ça clairement. Il n'y avait pas été question avant de Front de Mer. Voilà, les choses se sont passées comme ça et je le regrette. Moi, je pense qu'une maison de l'écologie populaire à Bagnolet, c'est une merveilleuse initiative. L'intérêt d'Alternatiba pour Bagnolet, sa venue à Bagnolet, c'est super. Je pense que ça mériterait une ouverture à Front de Mer. Moi, je ne souhaite pas exclure Front de Mer, mais aussi à d'autres. Je pense qu'il y a besoin de débats apaisés et de construire des projets écologiques dans cette ville. Je propose de passer aux voix sur cette délibération. Qui est pour ? Monsieur le maire, vous pourriez répondre. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est approuvée. Délibération 10. Inventons la métropole. Alors, pour apporter un peu de calme, je vais vous lire donc la délibération suivante qui est plutôt très technique, donc je vais prendre un peu le temps de bien l'éclairer. Donc, il s'agit donc du projet plan large, IMGP 2, qui est censé donc réhabiliter le bâtiment qui est situé là où se trouve plan large. Donc une première délibération, vous me dites si... enfin, moi je veux bien faire le... Oui, vas-y. D'accord. Oui, bien sûr. Non, mais bon, j'ai l'impression de parler un peu dans le vide aussi, quoi. Bon, donc une première délibération... Bon, j'y vais et puis vous me direz... OK. Une première délibération a été votée en septembre 2020. Cette délibération est arrivée trop tôt, car le projet... C'est bon, quoi. Allô. Vas-y. Bon, un peu de calme. Comment ? Donc, cette délibération est arrivée trop tôt car le projet a dû évoluer, notamment pour respecter le PLUI. Donc, il a évolué d'un point de vue architectural et il a aussi évolué d'un point de vue programmation. Alors, c'est une note un peu technique, il faut regarder un peu les... Ça va, monsieur Jamais ? Vas-y, vas-y. Non, non, mais... OK, monsieur Jamais. Ouais, mais bon, arrêtez de... Non, mais... Cédric, ne vous, vous laissez pas interrompre par le mouvement d'humeur du bec. D'accord. Poursuivez-nous, on vous écoute attentivement. Merci beaucoup. Cédric. Donc, j'y vais. Donc... la forme architecturale, je vous invite à aller regarder les croquis qui sont sur la note. Et vous verrez que le bâtiment a été donc raccourci sur le côté gauche et élevé du côté droit. Cela implique donc une augmentation de la SDP de plus de 320 mètres carrés. Le règlement de l'IMGP encadre toute évolution de programmation avec une franchise de 200 mètres carrés et une valeur de 520 euros hors taxe le mètre carré. Donc on se retrouve avec une nouvelle recette. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour la municipalité, à savoir 520 euros fois 120 mètres carrés, soit 62 400 euros hors taxe. Dans cette note, il s'agit toujours d'approuver la vente de la parcelle ville de 18 000 euros hors taxe. Et il s'agit aussi d'inclure une garantie financière d'achèvement afin de pallier toute défaillance. J'ajouterai, bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, d'une part parce qu'encore une fois, il y avait des absents à la commission numéro 2, et d'autre part, parce que j'ai l'impression que tout le monde n'est pas forcément attentif, hein, que l'EPFIF est utilisé. L'EPFIF, ça c'est pour vous répondre à vous, M. Stalins, parce que vous avez des bons mots quand vous lisez votre note, donc c'est bien de rédiger. Mais quand vous dites qu'il n'y a pas de vision politique sur l'urbanisme, vous en conviendrez que c'est complètement erroné, parce que sinon on n'utiliserait pas l'EPFIF. Et l'EPFIF est bien un outil quand on a une vision d'urbanisme sur le moyen terme, et que c'est le cas à cet endroit-là, puisque ça a permis de flécher donc un projet économique, alors que ça aurait pu être des bâtiments, et surtout de ne pas trop densifier. Donc voilà à quoi sert l'EPFIF, et quand on se sert de l'EPFIF et qu'on signe une convention avec l'EPFIF, c'est pour réfléchir à l'avenir de la ville sur 5 ans au minimum. Voilà pour la note, je pense que je n'ai rien oublié. Merci Cédric. Des remarques ? Monsieur Vionnet. Oui, donc, sur cette délibération... Bon, parce que la délibération, elle porte sur un petit détail de bout de terrain, donc je pense que c'est pas... et sur un tout petit montant financier, donc je pense que c'est pas là-dessus qu'il est intéressant de débattre. Je pense qu'elle est surtout l'occasion de parler, effectivement, de ce projet lauréat du deuxième appel à projet lancé par la métropole du Grand Paris. Moi, ce que je dois dire, au risque de vous surprendre... Donc oui, ce que je vais dire brièvement, au risque de vous surprendre, c'est que je trouve que c'est globalement un très bon projet. Moi, je me félicite de l'approche globale qui a été choisie dans cette réponse, parce que c'est une approche écologique au sens du réusage du bâtiment, puisque la structure en béton du bâtiment préexistant, si j'ai bien lu et regardé le dossier, est conservée et il fait l'objet d'une surélévation en bois. Donc je pense que c'est une démarche écologique intéressante. Bon, je regrette que ça soit un peu l'exception, et je regrette que sur plein d'autres sujets, mais ce n'est pas l'objet là, par exemple sur les malassiers dans le cadre de l'ANRU, on ait l'impression que la démolition est la seule réponse à tout, mais je prends acte que sur ce projet précis, on a une réponse de qualité et qui est une réelle réponse écologique, parce que je pense qu'on le savait pas nécessairement aussi clairement il y a une dizaine d'années, mais aujourd'hui on sait bien que la vraie approche écologique d'un bâtiment, c'est d'abord d'éviter la démolition et de privilégier la réhabilitation. D'ailleurs, un certain nombre de PLU dits bioclimatiques en cours de conception imposent cela, puisqu'on sait que c'est le réusage qui évite un bilan carbone calamiteux. Donc, nous voterons cette délibération avec juste, et j'espère que l'avenir ne nous le fera pas regretter, avec juste une petite inquiétude par rapport à ce qu'on a vécu il y a quelques mois avec l'avenant que vous avez proposé sur l'appel à projet précédent sur le marché à la ferraille gagné par Vinci, puisqu'on avait malheureusement vu sur ce projet qu'un projet qui était plutôt intéressant et innovant dans sa programmation, il l'était sans doute moins dans son architecture, mais qui, peu importe, mais en tout cas dans sa programmation, proposait une approche innovante. Vous êtes revenu devant nous avec non seulement un élément financier dont on avait parlé, dommageable pour la ville, mais de surcroît une programmation qui s'était appauvrie. Donc là, je souhaite sincèrement que le projet porté par le groupe Giboire conserve son ambition d'activité liée au service audiovisuel et qu'on ne revienne pas devant nous, comme ça a été le cas avec Vinci, pour présenter une version appauvrie du projet. Mais en l'état actuel, nous voterons cette délibération. Passer aux voix, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. Délibération suivante. Une petite remarque, s'il vous plaît. Non, il n'y a pas de remarque. 30 secondes. Non, c'est trop tard, il vient de dire qu'il avait voté la délibération. Donc, oui, mais je peux compléter. Donc, on a voté. Sur une vigilance, je veux qu'on la vote. Délibération, on ne va pas être contre. Monsieur Di Martino, il est arrivé que nous fassions des explications de vote et qu'il y a un complément. Mais bon. Association de préfiguration, Manon Chrétien. Bonsoir, merci beaucoup. Donc nous avons le quorum. Donc on va faire le quorum parce que par rapport aux questions qu'on un tiers le quorum un tiers, oui. Un non mais tiers par rapport aux questions qu'on évoque tout à l'heure sur les commissions etc. Ce soir nous faisons le quorum et nous permettons à ce que le conseil municipal finisse à son terme. Non, ouais. C'est un tiers, il faut un tiers de quorum. Vérifier les textes. Si c'est vérifier et compter. Merci monsieur le maire. Donc on nous demande ce soir d'approuver les statuts d'une association de préfiguration dans le cadre du projet Territoire zéro chômeur de longue durée qui concerne les quartiers respectifs de Lannou et de la Capsulerie. Donc cette association a vocation à permettre de commencer cette expérimentation en attendant de déposer notre candidature officielle qui aura lieu en fin d'année. L'idée, c'est que les différents acteurs qui sont sur le terrain, notamment la Maison de l'Emploi, le PIE de la commune ainsi que Pôle emploi ont commencé depuis 2018 à mobiliser les habitants, mais puisque ça reste encore trop fictif, on perd au fur et à mesure les personnes que l'on a mis dans la boucle. Excusez-moi. Donc là, avec cette association, on va pouvoir non seulement intégrer de manière durable des bénéficiaires, mais également pouvoir commencer à tester les modèles économiques qui ont été pensés avec les partenaires, mais avec aussi les habitants de ces quartiers. Donc, ce qu'on vous demande ce soir, c'est d'approuver ces statuts. Merci, Manon. Des remarques, Madame Garrido. Rapidement, nous allons voter, bien sûr, favorablement à cette convention. Nous regrettons néanmoins, mais c'est souvent un peu le cas, que cette politique de lutte contre le chômage de longue durée, contre le chômage tout court d'ailleurs, soit parfois abordé ici sous des prétextes un peu administratifs, comme là, comme c'est le cas par exemple sur cette délibération, mais c'était aussi un peu le cas, je me souviens, lorsqu'on a adopté le modèle de convention départementale avec la clause sociale et les entreprises. Et au fond, ce que j'aimerais, c'est qu'on ait un petit peu plus de matière sur en fait, combien de chômeurs on compte mettre dans le dispositif. Est-ce qu'ils sont de Bagnolet? En fait, combien d'emplois pour des Bagnoletais on compte obtenir par ces biais-là? Donc, je pense que ce n'est pas inutile de donner plus de chair et d'objectifs, parce que c'est ça qui, en définitive, permet en bout de course, et même en cours d'exécution, d'évaluer les politiques publiques, étant entendu que sur le fond, évidemment, nous soutenons pleinement l'objectif de ces campagnes Territoire zéro chômeur. Bien sûr, pour vous répondre et pour répondre à l'ensemble des Bagnoletais, les demandeurs d'emploi qui sont visés sont effectivement des Bagnoletais, mais uniquement des habitants de l'ANOU et de la Capsulerie. Donc on part sur des DETLD, c'est-à-dire demandeurs d'emploi de très longue durée. Donc à travers ce parcours, ça va permettre surtout une remobilisation dans un premier cas, identifier les personnes qui auraient des freins et pouvoir les remettre dans cette dynamique. Identifier les modèles économiques, c'est identifier potentiellement ceux qui également auront besoin de formation. Identifier les secteurs qui sont réglementés, électriciens par exemple, et qui nécessiteraient des habilitations particulières. Et pour le moment, à travers cette association de préfiguration, on a identifié 22 emplois. Et je peux vous citer également les cinq modèles économiques qui ont été pensés. Donc dans un premier temps, ça sera une conciergerie solidaire et des services aux habitants, qui concernent essentiellement dans un premier temps le quartier de la Capsulerie. C'est un besoin qui a été émis par les habitants, puisque il y a des personnes âgées, il y a des personnes à mobilité réduite, des personnes qui ne peuvent pas forcément sortir de leur tour et qui aimeraient créer plus de liens sur des petits services au quotidien. On est aussi sur de la conciergerie d'entreprise qui concerne l'ANOU, avec toutes ces entreprises qui sont sous la dalle, puisqu'effectivement, beaucoup nous ont fait part du fait qu'ils avaient des problèmes d'approvisionnement et de livraison du dernier kilomètre. Donc là, l'idée, ça serait de recenser un petit peu tous leurs besoins et de faire en sorte que ça fluidifie les livraisons, mais également tous les services dont pourraient avoir besoin de secrétariat, etc., aux entreprises. On serait également sur une épicerie solidaire qui concernerait les deux quartiers. Un service pour le parc des Guilans. Donc ça peut être un service touristique. On est également en lien avec l'hôtel Novotel, donc peut-être créer un lien avec les touristes qui séjourneraient aux hôtels de Galliani et permettre un écosystème touristique jusqu'au parc des Guilans, qui est quand même une belle ressource pour nous. Et on a également une recyclerie sportive en lien avec la recyclerie de l'ANOU. Je vous remercie infiniment de cette réponse très détaillée. Et je me dis, du coup, que ça confirme l'idée qu'il ne faut pas hésiter à mettre ces choses-là en délibération plus large. Parce que là, bon, on n'est pas en capacité d'analyser ce que vous nous proposez là. En plus, il n'y a pas de trace écrite. Bon. Donc, voilà, comme méthodologie de travail ensemble dans ce conseil municipal, moi, je trouverais mieux que, par exemple, là, ce travail dont vous faites état. Si vous en avez pu vous donner l'occasion, votre majorité, de voilà, un jour vous faites un point et vous prenez maire adjoint par maire adjoint et on discute des choses concrètement, et puis si besoin dans des comités ad hoc qu'on génère. Nous, en tout cas, on est tout à fait favorable à cela, et encore une fois, je vous remercie. Bien sûr, merci à vous. Merci Manon. Merci. Je propose de passer aux voix. Qui est pour cette délibération? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est approuvée. La délibération suivante, c'est la résiliation anticipée du contrat enfance-jeunesse avant d'en signer un autre. Est-ce qu'il y a des remarques? Pas de remarque, Mme Sidi. Bon, moi, c'est vraiment une remarque sur la méthode, et puisque Cédric Pape, vous parliez des commissions, moi, j'avouerais très humblement que cette délibération, qui est un peu technique, c'est de l'ingénierie financière, me semble-t-il, j'en comprenais pas en commission les tenants et les aboutissants. J'ai demandé à avoir des explications supplémentaires. Grégoire de la Gainerie, bon, qui n'est plus là, m'a dit que j'ai demandé des explications de compréhension. À mon sens, c'est bien à ça que servent les commissions. J'en ai eu aucune. On m'a dit qu'on me recontacterait, qu'on me donnerait des éléments d'information complémentaires par mail, que j'attends toujours. Donc, c'est pas nous qui avons ouvert le débat des commissions, mais si j'ai bien compris le sens des commissions, c'est aussi pour éclairer les oppositions municipales. Donc, donnez-nous des réponses quand on vous en demande. Merci. Et aussi d'y participer. Je propose de passer aux voix. Qui est pour cette délibération? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est approuvée. La délibération suivante, c'est une convention avec plaie internationale. Est-ce qu'il y a des remarques ? Je propose de passer aux voix. Moi, j'ai une remarque, c'est juste que, effectivement, le maire adjoint qui était chargé de présenter cette délibération est absent. Donc, personne ne la soumet, personne ne la présente, personne ne la défend. Et là, je considère qu'on est dans une démocratie de basse intensité et d'assez forte médiocrité. Voilà. Heureusement que vous êtes là pour relever le niveau, Mme Garrido. Je propose de passer aux voix. Qui est pour cette délibération ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est approuvée. Ensuite, nous avons une série de délibérations avec les associations Alsace de Bagnolet, Bourse du Travail, Mission Locale pour l'Emploi des Jeunes, Association des Musulmans de Bagnolet, ASGB, Rugby Club de Bagnolet. Est-ce que vous avez des observations, Alsace de Bagnolet ? Oui, j'en ai une, et pour faire suite à ce que disait ma collègue, en commission, on a souhaité poser des questions, mais Mme Sadoud n'était visiblement, son nom apparaissait, mais elle n'était plus présente à la réunion. Donc, nous n'avons pas eu de réponse, donc je l'évoque au conseil municipal. C'est le fait que, pourquoi ne pas privilégier le caractère pluriannuel des conventions ? Vous avez choisi un rythme annuel pour les conventions. Ça pourrait être l'occasion peut-être de travailler avec les associations pour améliorer le cadre de la convention, améliorer le partenariat et puis évidemment faire vivre la richesse de Bagnolet à travers ces associations. En l'occurrence, sur je ne les ai pas toutes contactées, mais enfin quasiment toutes. Aucune ne savait que le dossier passait au conseil municipal, sauf de manière incidente, et aucune n'ont été recontactées. C'est vrai que ce sont des conventions classiques, mais ça peut être l'occasion, on peut saisir l'occasion de la signature de ces conventions pour travailler, avoir un échange, et au moins les informer que ça passe ce soir au conseil municipal, ce qui n'est pas le cas. En tous les cas, c'est le travail qui est engagé sur la culture, et je rappelle que ça fait longtemps qu'à Bagnolet, ce sont des conventions annuelles, monsieur Germain. Et si ma mémoire est bonne, ça a toujours été le cas, quels que soient les mandats des exécutifs. Il faut changer, oui, c'est ça. À l'Alsace de Bagnolet, qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Bourse du Travail, qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Miège, qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. AMB, vous votez pour, Madame Laurence. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Pourquoi ça, c'est avec moi, en fait. Vous pouvez nous expliquer. Vous êtes drôle, franchement, vous êtes drôle. Vous pouvez nous expliquer. ASGB, qui est pour. Non, mais... qui est vous contre, pouvez nous expliquer. Qui s'abstient, c'est approuvé. Rugby Club de Bagnolet, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. Ça veut dire pour, ça. Donc, nous avons votre vœu à examiner. Madame Garrido. Cela dit... si je peux me permettre. Non, vous n'avez pas la parole, en fait. Si vous voulez, c'est juste, mon collègue Laurent Jamais a rappelé la question que j'avais posée en commission 1 sur la question des conventions pluriannuelles. On n'a pas eu de réponse en commission, on la rappelle en conseil municipal et je pense qu'on le fait sans agressivité comme une vraie question. Donc voilà, je voudrais bien qu'on ait une réponse, ou aujourd'hui ou bientôt. Madame Garrido. Merci. Alors, je commence par dire que je regrette vraiment vivement l'absence du groupe Bagnolet en commun lors de la discussion de ce vœu, parce que c'est le sujet qui a animé le conseil municipal au début, en entame. C'est un sujet absolument fondamental. Je trouve particulièrement vain de se targuer de défendre l'école publique ou d'y dénoncer les éventuelles discriminations ou de la caractériser comme une institution raciste, quelle que soit la position, lorsque concrètement on a des animateurs qui sont les cantinières, les gens qui s'occupent de nos enfants, à qui on a dit là, il y a 10 jours, vous ne percevrez pas votre prime, et qui a donné lieu au mouvement de protestation que vous savez. Et là, il y a une question juridique qui se pose, des questions politiques qui se posent, et je pense que ça aurait été la moindre des choses que tout le conseil présentez municipal votre soit vœu, présent. Madame Garrido, présentez et votre et si je veux être taquin, en fait, votre groupe, quand vous êtes absente, refuse qu'on parle de vous ou qu'on vous critique parce que vous êtes ailleurs. Bah, force de constater que vous rentrez dans cette faille. Ah, on ne font pas une personne et un groupe. Vous voyez ce que je veux dire ? Ah, bah évidemment. Présentez votre vœu. Bref. Tout ça pour s'opposer à Monsieur Oliva. Monsieur Oliva, je trouve que vous avez été courageux et je ne tolérerai pas une quelconque intimidation à votre égard. J'aimerais bien que ce soit noté. Alors, Considérant, donc c'est un vœu pour la sécurisation juridique et la pérennisation de la prime annuelle des agents communaux de Bagnolet. Considérant que les agents municipaux ont pour mission de s'occuper des enfants, des rues, de la santé, généralement du bien-être des Bagnoletaises et des Bagnoletais. Considérant que les habitants de Bagnolet attendent un service public de qualité et que l'accomplissement de ces missions suppose un traitement loyal des agents, encadré par des objectifs transparents, conformes au sens du service public. Considérant que depuis 45 ans, la ville de Bagnolet paye à tous ses agents une prime annuelle dite « prime de vie chère », d'une valeur moyenne de 1 200 euros payée en deux fois. Considérant que les salaires des agents sont bas, que les gouvernements Sarkozy, Hollande et Macron ont gelé le point d'indice pour les salaires des fonctionnaires, dont évidemment les fonctionnaires territoriaux. Considérant que l'augmentation des prix des denrées de première nécessité rend encore plus indispensables les sommes payées aux agents sous la forme de primes. Considérant que, comme c'était prévisible, les autorités préfectorales et de finances publiques ont questionné la légalité de la prime historique de vie chère, conduisant monsieur le maire de Bagnolet à envisager le non-paiement de la part versée en novembre 2021. Considérant qu'un mouvement massif et légitime des agents, soutenu par la population, a convaincu le maire de maintenir le paiement de la prime cette année. Considérant qu'il faut désormais garantir la sanctuarisation de ces sommes versées au titre de la vie chère, le conseil municipal réaffirme son attachement au service public municipal et affirme que pour un service public de qualité, il faut des agents territoriaux heureux. Décide que dans la mesure où les agents territoriaux avaient raison de se mobiliser pour le paiement de leurs primes, qu'il ne sera procédé à aucune sanction disciplinaire consécutive à la participation d'une manière ou d'une autre à la mobilisation. S'engage à donner une sécurité juridique pérenne à la prime dite de vie chère et à la régler dans sa totalité dans les années qui viennent. Olivier. Alors, moi, mon groupe a été particulièrement choqué de votre vœu. Choqué. Parce que ce que vous avez dit, là, en amenant votre vœu, chacun partage l'importance du service public, des moyens donnés aux fonctionnaires, les conséquences de suppression ou du gel de points d'indice, etc., etc. Mais le seul dispositif actif dans votre vœu, celui qui dit décide, c'est d'amnistier des gens qui se sont rendus coupables de violences, d'insultes, de menaces, y compris de menaces de mort, des actes qui sont passibles de sanctions pénales, pour certaines de sanctions qui dépassent 5 ans de prison, à l'encontre de personnes qui sont des élus, mais aussi de certains de leurs collègues, puisque je rappelle que des membres du cabinet, de la direction générale, ont été également insultés, pour certains bousculés. Un véhicule a été saboté, ce qui est également un crime. Ça dépend de la manière dont les choses se terminent, Madame Garrido. Si vous voulez, quand vous sabotez un véhicule qui prend la route à l'entrée du périphérique et qu'on se rend compte au moment de l'embranchement que le pneu a été lacéré, avec ce que ça peut engendrer évidemment comme risque pour les personnes qui sont à bord, derrière c'est évidemment une qualification potentielle d'homicide. Je rappelle qu'il y a un agent qui a été blessé dans ces opérations, qui a eu une fracture ouverte de la jambe, qui, s'il était tombé 2 mètres plus loin du balcon où il est tombé, serait tombé dans la salle des pères perdus 10 mètres plus bas, et que c'est certainement un sort différent qu'il aurait attendu. Et vous, comme l'a fait d'ailleurs les responsables de la CGT il y a quelques jours, vous ne condamnez pas ces violences, et par votre vœu même, vous les légitimez. Vous légitimez aujourd'hui des violences contre des personnes dépositaires de l'autorité publique, des violences contre des agents vous, publics. Vous, Madame Crépel, n'avez pas la parole. Taisez-vous. Vous légitimez des violences. Vous légitimez des violences. Taisez-vous. Ce que dit votre vœu, c'est une amnistie contre des personnes qui ont commis des violences contre des élus, des violences contre des agents publics. C'est ça, votre vœu. C'est ça, votre vœu. Et à un moment donné, c'est inacceptable, c'est indigne que des élus de la République cherche à justifier des violences contre d'autres élus de la République, des agents publics. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Et à un moment donné, que vous vous abaissiez à ce niveau-là, même pour vous, c'est assez sidérant. C'est assez sidérant. Nous considérons que les agents qui se sont rendus coupables de ces actes doivent être sévèrement sanctionnés, que ce soit sur le plan disciplinaire comme sur le plan pénal. Rien ne justifie jamais la violence. Aucune cause, quelle qu'elle soit, ne justifie jamais la violence. Et je ne connais aucune cause syndicale, aussi justifiée soit-elle, qui ait abouti à quelque chose de positif pour les personnes qui les ont menées lorsque des violences ont été commises. Toute notre histoire le démontre. Donc mon groupe, évidemment, votera contre ce vœu et j'espère que vous aurez la dignité de le retirer avant qu'il en arrive à ce stade. Jean-Claude Olivier. Oui, moi je voulais soulever particulièrement deux points sur ce vœu qui font que notre groupe aussi va voter contre. Le premier point, c'est dans l'exposé des motifs, c'est le petit alinéa, l'avant-dernier alinéa, considérant qu'un mouvement massif et légitime des agents soutenu par la population a convaincu le maire de maintenir le paiement de la prime cette année. Les choses ne se sont pas passées comme ça. Le maire, vous avez le droit de... le maire, avec le soutien unanime de la municipalité, a multiplié les démarches pour que la prime ne soit pas supprimée. Rendez-vous, courrier, il n'a pas ménagé ses efforts. Il a alerté les représentants du personnel en comité technique dès le 27 septembre. J'y étais. Après, s'est développé effectivement un mouvement social tout à fait légitime qui a joué un rôle important et qui a fait, pour faire reculer le trésorier payeur et le préfet, le maire n'a pas eu besoin d'être convaincu. C'est le trésorier payeur et le préfet qui ont eu besoin d'être convaincus. Et moi, je redis encore une fois... la municipalité, le maire, le personnel et les organisations syndicales, on a été dans le même sens et c'est pour ça qu'au final on gagne, même si on y a été en ordre dispersé, même si on n'y a pas été la main dans la main. Donc voilà, ça c'est le premier point sur ce mouvement qui fait qu'on votera contre ce vœu. Le deuxième point, c'est celui qu'a évoqué Olivier Taravella. Et effectivement, en complément de ce qu'il dit, les violences desservent le mouvement social. Enfin, moi, c'est ce que je pense, en tout cas, profondément. Demander aux syndicalistes, je l'ai dit ça aussi l'autre jour au personnel, qu'est-ce qui se passe quand une manifestation dégénère en violence, quelles que soient d'ailleurs les causes, et souvent c'est les forces de l'ordre, etc., qui en sont responsables. Enfin, on peut dire beaucoup de choses sur ça, mais au final, qu'est-ce qu'on voit le soir à la télé? C'est pas les revendications des manifestants, c'est pas les conditions de vie des manifestants, c'est uniquement les violences. Souvenez-vous du mouvement des Gilets jaunes. L'apogée, ça a été une manifestation, je ne sais plus, au mois de décembre 2018, je ne sais plus la date, qui a complètement dégénéré. Ça a été l'apogée du mouvement, il y avait beaucoup, beaucoup de monde. À partir de là, le gouvernement a sa part de responsabilité. Certains manifestants qui ne sont pas les syndicats ont leur part de responsabilité dans tout ça. Mais ceci dit, le mouvement des Gilets jaunes, à partir de là, il a décliné. Donc voilà, moi je pense que le mouvement social, il doit clairement se démarquer de ça. Sur le troisième alinéa, le conseil municipal s'engage à donner une sécurité juridique pérenne à la prime dite de Vichère et à la régler dans sa totalité dans les années qui viennent. Oui, bien sûr, c'est ce que nous faisons en décidant au plus vite d'intégrer cette prime au nouveau régime d'indemnité RIFSEP. Voilà, pour moi, l'objectif, il faut être clair, l'objectif, ce n'est pas de garder l'étiquette, à savoir la prime de Vichère telle qu'elle a été définie. L'objectif, c'est bien de garder le contenu, c'est-à-dire qu'au final, les agents reçoivent cet argent. Et donc, on va discuter avec les organisations syndicales. Il y a un rendez-vous demain matin sur comment ça se met en place Et voilà, j'entendais prime à l'intéressement, etc., etc. Mais c'est quelque chose de très large, le RIF 7. On peut y mettre bien des choses. Et nous, notre but, ça ne sera pas de sanctionner les agents ou de faire des restrictions aux agents à travers le RIF 7. Ça sera de pérenniser cette prime. Et nous allons discuter des moyens d'y arriver ensemble et de sortir de tout ça par le haut, agents, personnel, organisations syndicales et municipalités. Merci, je propose de passer aux voix. Qui est pour ? Répondez, oui. Je vais, j'ai aussi été interpellée par le groupe sur le fond du 2, donc je réponds. Sur le considérant, à propos du rappel de l'historique du mouvement, bon, je pense qu'on est d'accord sur le fait de dire que c'est un mouvement massif et légitime des habitants soutenus par la population, ça jusque-là, je pense qu'on est d'accord. L'interprétation que vous faites sur le fait que le maire n'avait pas besoin d'être convaincu, ce n'est pas exactement l'interprétation qu'on en fait, parce qu'évidemment, dans ces cas-là, on sépare entre ordonnateur et payeur. Vous savez très bien que l'ordonnateur, c'est le maire, que le payeur, c'est le trésorier payeur général, et que, en fait, en toute hypothèse, le maire avait la possibilité d'ordonner le paiement. La preuve, il l'a fait, et ça a été payé. Non, il n'y a pas eu besoin d'ordonner. Il n'y a pas eu besoin d'ordonner. Il n'y a pas eu besoin de réquisitionner. Non, mais justement, besoin, c'est bien ce que je dis, il n'y a pas eu besoin de réquisitionner. Donc, c'était un ordonnancement classique au titre de toutes les dépenses. Il n'y a pas eu besoin de réquisitionner. C'est bien ce que je dis. C'est-à-dire que c'était bien l'exercice habituel et normal du rôle de l'ordonnateur qui a été fait, donc c'était possible. Mais en toute hypothèse, franchement, si ça avait été juste cette phrase-là qui aurait conduit votre vote favorable, je l'aurais enlevé et on aurait mis le mouvement légitime qui a abouti au paiement de la prime. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin de refaire l'histoire, chacun a pu être témoin des événements, c'est vraiment pas le souci. En revanche, sur la question des sanctions disciplinaires, sur les modalités de lutte et sur les accusations de violence qui, je le rappelle, contrairement par exemple à ce qui a été le cas dans les Gilets jaunes, n'a pas été perçue par la population. La population n'a pas perçu quelque chose de violent dans ce mouvement. C'est normal, c'est passé ici. Donc, non mais parce que je réponds à un argument politique, monsieur le maire, c'est pas la peine de m'interrompre à chaque fois. Et l'argument politique, c'est de faire des recommandations aux syndicalistes sur comment il faut mener une bataille. Ils n'ont pas donné d'image externe de violence. Donc, en l'occurrence, cette remarque, à mon avis, était un peu déplacée. Je vais juste vous répondre une chose en vous rappelant un discours de Jean Jaurès, que vous devez connaître, qui est le fameux discours de 1906, où Jean Jaurès distingue entre la violence patronale et la violence ouvrière. Et effectivement, il dit il y a eu une situation où les ouvriers ont été conduits à des comportements caractérisés comme violents. Et à ce moment-là, Jean Jaurès, dans un discours qui est très très connu, et j'imagine auquel vous adhérez en tant que membre du Parti Socialiste, il dit, sauf que quand on accuse les ouvriers de cette violence pour défendre leur dignité, pour défendre leur salaire, pour défendre leurs conditions de travail, on ne parle jamais de la violence des conseils d'administration, de ces personnes qui, en costume et cravate, décident de supprimer des salaires, décident de modifier, de réduire même à la mort sociale un individu, parce que ça, c'est une violence dont on ne parle pas, mais qui est bien réelle. Et c'est le cœur de ma réponse, M. Taravella. Quand vous dites à une personne qui gagne le SMIC, ou moins que le SMIC, s'agissant des agents qui sont à temps partiel, vous les prévenez mi-octobre ou début octobre qu'elles ne vont pas toucher une somme qui tombe de façon certaine depuis des décennies. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hypothèse normalement où ça ne tombe pas. Cet argent est déjà dépensé, M. Taravella. Quand vous savez que ça va tomber, quoi qu'il arrive, en début du mois de novembre, 300, 400, 500, 600, 700 euros en fonction des revenus, et décider comme ça de le supprimer, c'est ça qui est de la violence. C'est de la violence, ça, M. Taravella. Donc vous pouvez vous retrancher après derrière vos leçons de morale, des leçons de maintien. Oui, alors vous supprimez 500 euros de la bouche des enfants d'une agent territoriale et vous voulez qu'elle vous réponde avec le manuel de bienséance de Nadine de Rothschild, peut-être. Vous ne pensez pas que les gens, ça les rend fous? Mais évidemment que ça les rend fous, évidemment que ça les met en colère, évidemment qu'une femme avec ses enfants qui a déjà dépensé l'argent qui est censé tomber, qui doit du coup choisir entre payer l'énergie, payer l'électricité, payer des nouvelles chaussures, et parlons même pas des cadeaux de Noël, Bien sûr qu'elle est révoltée, bien sûr qu'elle va peut-être mettre quelque chose sur Facebook, elle va se moquer de vous, elle va se moquer du fait que vous avez un discours un peu à géométrie variable, vous dites aux uns une chose aux autres, et donc oui, il y a les mots qui... Ah, on a dit Pinocchio, ouh, c'est très grave, on a dit que le maire c'était Pinocchio, mon Dieu, mais au pilori. Donc franchement, je vous le dis, cette attitude que vous avez de criminalisation du mouvement social, ça n'a, ça. Il n'y a pas d'autre terme. Normalement, c'est quelque chose dont on accuse la droite depuis toujours, c'est vous ça. Criminalisez, vous inventez c'est même ça. Des crimes, c'est ça. C'est vous inventez... Des crimes, bon, vous allez on va passer aux voix. On va passer aux voix. Je vous propose de passer au vote sur ce vœu. Qui est pour l'adoption de ce vœu ? Qui est pour l'adoption de ce vœu ? C'est l'habitude. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Le vœu est rejeté. La séance est levée. Et je tiens à saluer Fabrice Belkacem, directeur général des services, qui nous quitte et que je remercie pour son travail. Et je vous informe que j'ai nommé M. Bardet, directeur général des services. Bonne soirée.